Richie Booz, bonsoir. Bonsoir Jean-Pierre. C'est un plaisir non dissimulé. C'est vrai, c'est vrai que vous ne dissimulez rien du tout en non, général. Non, ça s'entend d'ailleurs, vraiment un plaisir. Excusez-moi, je viens de m'essouffler avec un bout de pain. On est passé à deux doigts du drame. L'émission la plus courte de la Terre. Il est décédé. Voilà, j'ai voulu prendre un petit bout de pain au fromage. Vous connaissez ma passion et mon point faible pour la nourriture. Pour la nourriture, et j'ai failli. Oh là là, on est passé pas loin du scandale. Jean-Bien, je suis moi aussi très heureux oui, de vous voir. C'est vraiment, c'est un plaisir. Première émission que je pense on peut dire couronnée de succès. Ah oui, là, c'est que nous voilà. Avons fait. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette première émission? Moi, j'ai trouvé une émission tout à fait correcte. Très bien. Surtout du point de vue de ma grand-mère. Oui, elle a adoré. C'est vrai que on peut dire que votre grand-mère, c'est quand même notre première et voire quasiment seule. C'est à la fois la première, oui. La plus grande, la plus grosse et la plus vieille fan qu'on ait. Quoi. Elle remplit tous les critères. Elle remplit tous les critères. C'est vrai. Non, c'est vraiment un plaisir. D'ailleurs, est-ce qu'on pourrait dire un petit mot sur votre grand-mère justement, c'est-à-dire sur l'endroit où on se trouve eh bien, actuellement. Donc, je vous laisse, la évidemment la présenter. La dernière fois, pour ceux qui se souviennent ou ceux qui n'étaient pas là pour la première mission, nous étions donc dans la maison de ma grand-mère. La cabane de jardin. Oui, enfin nous étions dans la propriété de ma grand-mère, installée dans la cabane au fond du jardin. Hey, petit et, clin d'œil référence. Petit clin d'œil à Jacques Brel. Oh. Ah non, sa sœur Francisca. voilà, elle nous a accueillis. Au début, c'était plutôt quelque chose de temporaire pour une émission. Oui. Et finalement, elle a vraiment adoré. Notre émission, elle nous a offert le droit de revenir autant de fois. Et c'est vraiment un plaisir veut. Dans ce petit endroit cosy et voilà. Vraiment très chaleureux qu'on a ici. Est-ce que votre ressenti un peu, est-ce que vous avez réécouté l'émission, Richie? Alors oui, je l'ai réécouté à peu près 70 fois. C'est même pas notre nombre d'écoutes sur SoundCloud. Attention, méfiez-vous. C'est vrai. Non, je l'ai réécouté une fois pour voir un petit peu les choses qui n'allaient pas, mais. Est-ce qu'on est vraiment là pour débriefer? Non. Je crois que les gens ont kiffé ou pas et que nous allons faire je en sorte qu'en revanche. Ah, allez-y. Si je peux me permettre d'intervenir, mon cher Jean-Bien. N'hésitez pas à intervenir. Nous étions donc dans une émission sans nom la première fois. Je voulais y venir, Richie, vous lisez dans mes pensées. Et donc, pour ceux qui ont été écouter l'émission, elle s'appelle Fruit de la Station. C'est vrai. Et donc, Fruit de la Station, pourquoi? Voilà, allez-y. Eh bien, c'est notre plus grande fan qui m'a donné ce nom. C'est vrai? Votre grand-mère? Ma grand-mère. Elle-même. Fruit de la Station, pourquoi? Parce que quand j'étais petit, elle m'appelait ma petite banane. Quand j'étais adolescent, elle m'appelait ma moyenne banane. Et maintenant, la grosse banane, elle m'appelle mon gros ananas. Ma petite papaye. La grosse banane. Voilà. Très étrange. Et donc, Fruit de la Station, voilà, c'est venu assez naturellement. Quoi. Ok, non, mais je comprends tout à fait. Et puis le jeu de mots de qualité avec la station de radio, station de métro, station voilà. Essence. Et Fruit de la Station. Exactement, mais en référence évidemment au tableau. Au tableau, oui. Voilà, exactement. Est-ce qu'on pourrait faire un rapide débrief? On n'est pas là pour débriefer, mais quand même, on avait dit qu'on le ferait. J'y tiens particulièrement sur le film, ça, oui. Le pitch de l'improbable. Ah oui, je croyais que vous voulez débriefer encore. Non, oui. non, on arrête avec ça. Oui, donc en effet, donc, à l'émission précédente, j'ai fait mon maxi-pitch de l'improbable. Le maxi-pitch de l'improbable. Qui était donc un film qui existait, qui s'appelait The Gate, La Fissure. La Fissure, contraduit par donc, La Fissure. Avec Jean-Bierre, nous l'avons regardé après l'émission, oui. Ensemble, tranquillement, sur Est-ce le canapé. Qu'on peut rappeler un peu le contexte de cette projection de film? Alors, cette projection de film, elle s'est faite d'une façon assez triste, puisqu'en fait, on a continué, donc on a un petit comme peu, vous y on allez. A pris un apéritif à rallonge, assez, je pense qu'on à rallonge. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Modération, 5 fruits et légumes par jour. Tout à fait. Pas trop grave, pas trop sucré, et pas trop salé. On est très mal placé pour donc, en parler. Oh là là. Gros peg. Richie, vous allez bien? Oui, ça va très bien. J'ai fait un AVC. J'ai fait un IVG. Alors. Ah, je confonds les acronymes, j'ai jamais aimé ça. Alors, donc, oui, nous avons regardé j'ai ce fait film. Une RTT. Nous avons pris l'apéro à rallonge. Oui. Allez-y. Nous avons pris l'apéro à rallonge. Pas ce soir, hein. L'autre fois. Nous avons été nous coucher. Oui. Dans la cabane, parce qu'il y a une sorte de lit superposé, parce que c'est ça, là aussi que ma grand-mère me faisait dormir quand j'étais petit. Mm-hmm. Nous nous sommes réveillés, nous avons regardé ce film vers 5-6 heures du matin. Exactement, il y a encore tôt. Nuit. C'était, d'ailleurs, voilà. C'était un petit moment assez magique, assez, voilà, qui moment, reste dans mes mémoires. Un moment privilégié. Reste dans les annales. Mais alors, moi, c'est un film que je connaissais, c'est plutôt à vous de me dire ce que vous en avez pensé en le voyant pour la première fois. Je pense que mon ressenti n'aurait pas été le même si je n'avais pas eu ce maxi pitch de l'improbable. improbable auparavant, qui quand même a déjà bien mis dans l'ambiance, et en plus qui du coup j'avais plein d'images qui m'avaient traversé la tête, et là qui je voyais qui se concrétisait sous mes yeux. Vraiment, j'ai trouvé ça très très bien, et je pense en plus en parlant de ça, je pense qu'on peut rajouter qu'on a quand même joué au jeu interactif. Tout à fait, du bonus. Du bonus DVD, on en parle dans l'épisode d'avant, mais et qui ça... est quand même, je pense, on peut le dire, une petite perle. D'ailleurs, il y avait la Paris Game Week week-end dernier, je crois qu'il a été présenté. Oui. Mais ça n'avait pas marché, non? Non, ça n'avait pas marché, en effet, c'était vraiment très très mauvais. Mais bon, voilà, pour ce débrief, je n'en dis pas plus parce que j'ai un... Pardon? Non, mais très bien, bravo. Parce que je n'ai pas envie de... En fait, j'ai envie que les auditeurs aillent voir cette petite perle. Ah, bien sûr, mais c'est important à chaque fois de débriefer un peu le film qu'on aura vu. De dire le ressenti, parce que quand vous me présenterez un film de merde, vraiment, je n'hésiterai pas à vous le dire. Bah, il faut. Voilà. C'est fait pour ça, mon cher. Mais ça va arriver très bientôt. Oui. Ce sera là, tout à l'heure, là, dans 5-10 minutes. C'est ça. En parlant de film, vous avez vu des films un peu récemment? Ah là là. Alors, j'avais prévu une petite rubrique là-dessus, mais du coup, si, j'ai été voir un film hier soir, un film d'Oliver Stone qui s'appelle Snowden. Oui, bah sur Edward Snowden. Non, pas du tout. Ça reprend. C'est Jean-Michel Snowden. Jean-Michel Snowden. En fait, le demi-frère de Edward. C'est le snowboard. Exactement, c'est ça. Qui est parti dans les monts d'arrêt il n'y a pas si longtemps que ça, d'ailleurs. Donc voilà. Oui, oui, bah, il a monté une station de ski là-haut, donc on arrive quand même à 250 mètres au point le plus haut de la station, c'est pareil. C'est pas mal. Donc voilà, ça un film. Oui, oui, c'est un film un peu long, on est quand même sur du 15 minutes. Donc voilà, assez conséquent, bah oui, pas grand chose à raconter, voilà. Non, autrement, c'était vraiment un très bon film. Qu'est-ce qui se passe? Ça vous a... C'est un petit peu classique comme réalisation, quoi. Non, pas tant que ça, justement. C'est là où j'ai été assez surpris. En fait, la première moitié du film, pardon, elle est un petit peu caricaturale, du style Edward Snowden, le gros geek qui rencontre sa meuf sur un site internet pour geek, justement. Alors, c'est peut-être arrivé dans la vraie vie, je ne sais pas. Un peu pure, comme vous le dites si bien. Et par contre, la deuxième moitié du film est très très intéressante. Et en plus, j'avais déjà vu le documentaire avant, réalisé par Laura Poitras, qui fait aussi une apparition dans le film, qui était très très bien. Donc j'ai vu ça, et autrement, j'ai vu le dernier Ken Loach. Ah, vous avez pris du Lexomil avant et du... Non, je pense qu'autrement, je me serais vraiment foutu en l'air à la fin. C'est... Mais c'était horrible. Dans la salle de cinéma, on entendait vraiment... Bah, déjà, plus personne parlait. Les seules choses qu'on entendait, c'était les gens renifler ou se moucher. Et une petite anecdote très drôle, le mec qui c'est vient... C'est moi, William Blake Daniel Blake. Daniel Blake, Moi, Kevin Blake. La version francophone. La personne qui vient nettoyer la salle... Oui. Absence. La personne qui vient nettoyer la salle a été choquée en fait par l'ambiance de la salle et il m'a interpellé à la fin. Il y avait des mouchoirs partout par terre, comme dans les anciens cinémas porno. C'est exactement un peu cette ambiance là. Non, mais il m'a dit, mais il est vraiment si émouvant que ça, c'est le assez film. Dur, ouais. Ah non, mais c'est parce que bon, Ken Loach, il a jamais été réputé pour des films très joyeux, mais il y avait quand même des trucs un peu plus portés sur la comédie comme La Part des Anges ou. En fait, je... Désolé, mais c'était le premier Ken Loach que j'ai vu. Vous aviez peut-être vu Looking for Eric, quand même? Non. Sweet 16? Non plus. Non. Ah, et d'ailleurs, Looking for Eric, je savais même pas que c'était lui, mais non, je l'ai pas vu non plus. Bon, bah, c'est pas grave. Voilà. Donc voilà. Et vous, est-ce que vous avez vu des petites perles cinématographiques? J'étais voir Doctor Strange. Ah, je compte y aller... Sympa, ça va, y a pas de quoi se taper le cul par terre... C'est un peu un Iron Man qui fait de la magie, quoi. Bon, ok, c'est... d'accord. Mais Benedict Cumberbatch, il est comment? Il est bien? Il est bien. De toute façon, il faut dire qu'il est bien. On n'a pas le droit de dire qu'il n'est pas bien. Non, c'est quand même un très bon acteur. C'est un peu comme quand il y a François Cluzet dans un film français, tu peux pas dire qu'il joue non, pas bien, t'as vrai. Pas le droit. Non, je suis... Il joue bien. Je suis bien d'accord. Donc, il joue bien. J'étais voir Deepwater, le film sur la plateforme pétrolière. Oh là là, moi aussi. C'était pas terrible. Ah bah non, c'était même c'était carrément un peu chier, chiant. Je pense qu'on peut le dire. Bah, en fait, c'est chiant. Très simple. C'est le synopsis, c'était une plateforme pétrolière qui brûle en pleine mer. Et bah le film, c'est il y a rien ni plus ni moins. C'est vraiment une bah non, il y a rien d'autre. Au début, c'est assez intéressant avec le personnage de John Malkovich sur la pression qui vient d'au-dessus. Ouais. De se dépêcher, ce qui peut créer des accidents. Ouais. Je trouve qu'il y a des plans très jolis, vraiment de loin. Des sur plans le personnage des... de John Malkovich, attendez, excusez-moi. Oui. Ok. Vous voyez qui c'est, John Malkovich? Je vois très bien qui c'est, mais c'est pour ça, là, du coup, je n'ai pas souvenir de lui dans le film. Si, bah, c'est le chauve, vous voyez le vieux là. Ouais. c'est John Malkovich là. Je croyais que c'était Alain Juppé, excusez-moi. Là, vous allez voter pour qui pour la primaire de droite, janvier? Bruno Le Maire. Jean-Frédéric Poisson. Non. Donc continuez. Oui, pour et voilà, mais il y a des très jolis plans, je trouve, dans le film autour de la plateforme en particulier, des trucs assez impressionnants. Oui, ouais, mais vraiment au début. À partir du moment où ça commence à cramer, c'est un peu comme dans Man of Steel, au moment où ça commence à on péter. Voit plus rien. Voilà, c'est on ça. On est dans la boue et c'est vrai que c'est un petit peu pénible. J'ai pas, oui, voilà. Pour ma part, j'ai pas trouvé ça fou. Ah si, ce que j'ai bien aimé, parce que j'ai été voir Captain Fantastic. avec Aragorn. Mortensen. Oui. Exactement. Ouais, ouais. Et j'ai vraiment trouvé ça vraiment très bien. C'est assez original. C'est un peu un film indépendant américain. Ouais. C'est donc un père qui élève ses enfants loin de tout. Il les élève seuls dans la forêt. En mode hippie roots. Un peu, mais un truc un peu plus violent. Ils font beaucoup de sport. Ils chassent à main nue. D'accord. Ils les éduquent quand même énormément sur le monde. Et puis roots, mais du Texas. Quoi. Voilà. Bah, en fait, non, ils sont plutôt nord-ouest américains. D'accord. L'état de Washington, Oregon, dans les montagnes. Un peu plus brutal, quoi. D'accord. Et la mère meurt et ils doivent à ce moment-là aller à son enterrement. D'accord. Qui déroule près de la famille de la mère. Ouais. Qui doivent traverser les États-Unis. C'est un road trip un petit peu où ils vont rencontrer tous leurs amis et les personnes qui mettent vraiment souvent en défaut sa façon d'éduquer ses enfants. D'accord. Donc un peu jugement, pression sociale. Exactement. D'accord. Et c'est vraiment pas mal. Et c'est un film qui a pas mal de défauts. Il y a des choses qui sont un peu incohérentes. Il y a un point de vue qui est un petit peu tendancieux parfois, mais je trouve que c'est vraiment. D'accord. Ça m'a beaucoup plu. Ça m'a touché. Et ben je sais pas s'il passe encore, mais oui, c'est vrai que je voulais le voir. Il passe encore dans ma ville. Je vous dirai pas où c'est. D'accord. Non, mais on ne peut pas dire. Vous pouvez venir si vous voulez. Très bien. J'aimerais juste faire alors vraiment une aparté. Un apartheid. Voilà, je savais que vous alliez la faire. Un petit apartheid de vraiment une minute pour parler réseaux sociaux fruits de la station. Je pense vous en prie, faites votre pute, hein, allez-y. Oui. Juste pour dire, il y a un compte Twitter, il y a un compte Facebook, il y a un compte SoundCloud. Les gens qui aiment l'émission, n'hésitez pas à aller vous inscrire pour avoir maman. Maman big up. Maman big up. Pour avoir des nouvelles, on peut même pas dire des nouvelles en fait, mais juste si des fois on balance des petites infos un petit peu croustillantes, des photos, les coulisses un peu du tournage, de comment ça se fait. Et puis, et voilà. C'était vraiment juste ça, donc n'hésitez pas. C'est plus pour le fun qu'autre chose. Allez-y. J'ai un souvenir ému de l'émission passée. Je n'ai que trépigné en attendant de vous revoir. Votre odeur douce effluve de vinaigre et de graillon m'a manqué, Jean-Bierre. Votre casquette aux couleurs des tropiques, les bourrelets sous votre chemise et vos slips, jaunis par la passion, que vous ne manquez jamais de déposer négligemment dans ma poche de manteau à votre départ. Tout ça m'a manqué, Jean-Bierre. Longue fut la route pour vous rejoindre, les chemins, les allées et les aléas. Et enfin, le havre de paix, la cabane, la grotte. La récompense. Puisque partout autour de nous, le monde devient fou ou pas assez, où les diagonales sont prises par les rois et où les tours d'élection s'installent sur le damier de la vie, envolons-nous ensemble. Oui, Jean-Bierre, vous avez bien entendu, le damier de la vie. Vous êtes mon ancre pour me stabiliser sur les vagues tourmentées de notre passion. Cueillons les fruits de l'amour, arrêtons-nous à la station du bonheur. Goûtons enfin les fruits de la station. Voilà, là, mais quel talent. Mais c'est pour vous, Jean-Pierre, que j'ai griffonné ça sur un coin de table. Oh, mais je ne sais pas. Honnêtement, vous pleurez, Jean-Pierre. Ah bah là, j'en chiale, ouais. Ouais, non, vraiment. Vous êtes mieux, je vous ai fait ça, parce que voilà, parce que je vous aime finalement, Jean-Bierre. Oh, c'est un petit bijou. Même si je suis pas toujours tendre avec vous, Jean-Bierre, je sais, je me moque souvent de votre physique, au fond, je vous aime bien. Franchement, je ne sais pas quoi dire. Vous êtes comme le dernier enfant de la portée, un peu impotent, mais qu'on aime bien, celui qu'on n'a pas pu inscrire au sport. Je pense que... Et on l'aime quand même, quoi. Je pense que vraiment, Richie, vous êtes déjà mon seul ami, mais mon ami le plus cher, et je tenais à vous le dire. Mais ce n'est pas la quantité qui compte, mais la qualité, mon cher Jean-Pierre. Oui, c'est ce que ma maman me dit souvent, en me donnant à manger. Et monsieur Richie, maintenant, on va enchaîner. Est-ce que vous êtes prêt? Pardon, excusez-moi. Bah oui, bien sûr que je suis prêt, bien sûr que j'enchaîne. On va commencer sur, je pense, une chronique, on peut dire qu'elle a fait fureur lors de l'émission précédente. Une chronique culte. Et une chronique culte, c'est le ça. Le maxi-pitch. De l'improbable. Yeah, baby. Blablablablablam. Alors, j'ai demandé. Déjà, une petite précision, je vais faire les choses dans l'autre sens. Autre fois, je vous avais donné le titre du film en premier. Ouais. Et puis, j'avais raconté tranquillement l'histoire. Là, je vais commencer par l'histoire et après, on verra pour le titre. Très bien, très bien. Donc, je rappelle quand même le principe. Oui, oui. Je vais raconter une histoire d'un film. Jean-Bierre ne sait pas si ce film existe ou pas. Le but du jeu pour lui, c'est de deviner si ce film existe ou pas. Et le but aussi chez vous, c'est de deviner s'il existe ou pas. Voilà, exactement. Alors là, j'ai demandé à notre ingénieur du son de mettre une petite ambiance de mer, pays du sud. À base de mouettes. La mer est calme. Un joli bateau à moteur vogue tranquillement sous le soleil de plomb. Sur ce bateau, un groupe de personnes, un couple en voyage, un couple un peu beauf. Vous voyez Gérard Jugnot et Josiane Balasko dans Les Bronzés. Quoi. Ah, beauf à ce point-là ? Ouais. oui, d'accord, très, ok, très, ouais, donc, très bien. On a aussi sur ce bateau un voyageur solitaire. Allez, je vous en prie. Je me permets juste de faire une parenthèse où on rappelle que justement j'ai le droit de vous interrompre, bien savoir, sûr, mais... de poser des questions, etc. Interrompez-moi, il faut. Non, très bien, d'accord. Voilà. Dès que vous voyez un petit problème dans le scénario, quelque chose qui pourrait me piéger, allez-y. Cohérence dans le scénario, voilà, exactement. Allez-y. On a aussi sur ce bateau différentes personnes. On a un voyageur solitaire, une jeune fille et puis un jeune homme qui fait partie de l'équipage. Mais du coup, c'est quand même un gros équipage, quoi. C'est un bateau à moteur. Hein. De ce gros bateau, il y a une petite dizaine de personnes dessus avec une belle cabine, une petite cuisine. Ah oui, quand même. Ouais, ouais. Oh, je dirais qu'on part sur une petite quinzaine de mètres. Oh, bien, bien, bien. Très bien. On a donc aussi un cuisinier et un capitaine et son moussaillon. D'accord, un skipper. Un skipper. Très bien. Arrête de skipper. La raison de leur voyage n'est pas réellement précisée, d'accord, dans le scénario. Donc ça, c'est pas de ma faute. Pas mon vouloir. Soit j'ai manqué d'imagination, soit c'est le scénariste qui a manqué d'imagination. Mm-hmm. Donc la raison de leur voyage n'est pas vraiment précisée. D'accord. Donc ils sont tranquilles. La jeune femme, un peu sexy, hein, qui se baigne autour du bateau. Elle a genre quel bleu. Âge à peu près? Oh, elle a 25-30 ans. L'âge parfait. Très bien. Elle est tranquille. Elle se baigne autour du bateau avec un masque de plongée. Elle regarde les petits poissons. Il y en a d'autres qui font bronzette. Enfin, pour l'instant, tout va bien. D'accord. Un prénom pour cette jeune femme? Non, il n'y aura pas de prénom. Pour, d'accord. C'est très bien. Tout simplement parce que dans le film, les prénoms ne sont pas donnés. D'accord. Et son nom d'actrice? Alors ça, non, je peux pas vous le dire. Petit piège, évidemment, j'ai tenté. Non, allez-y, je peux pas allez-y. Vous le dire, mais elle est vous très belle dire, gosse. Parce que c'est un film que vous avez inventé. Absolument évidemment. Pas, elle est très belle gosse et vous le verrez après. Très bien. Donc Black le seul Lee problème, Lee. C'est qu'ils doivent se coltiner le capitaine du bateau. Ouais. Une sorte de vieux croulant vraiment désagréable, quoi, qui d'accord. se prend pour Tabarly. Ah. Alors que bon, il navigue, enfin, il n'y a sur pas de vent, bateau il, à moteur, il a un bateau à moteur, sur un lac. Il n'y a pas de vague, mais bon, voilà, le gars s'enflamme un peu. D'accord. Alors il les engueule tout le temps, surtout son moussaillon, et leur dit attention, en mer, faut pas déconner. Ouais, la mer, c'est un la danger. La mer, c'est un truc de vrai, tu crois que c'est avec ta jolie gueule que ça va te servir ouais. en mer. C'est un peu le Renault. Le vieux, ah, voilà, c'est ça. C'est Renault. Il est là, toujours debout, toujours vivant, quoi. Ouais, voilà. Toujours vivant, ouais. Alors tout d'un coup, alors qu'il est en train d'engueuler tranquillement son matelot. Voilà. Et là, vous vous doutez ce qui va se passer. Le ciel commence à se couvrir. Oh, la tempête. La tempête arrive. La tempête. Alors tempête là... de mer ou tempête de... tempête de sable. Et là, donc, puis à la tempête, le vieux qui arrêtait pas de gueuler sur tout le monde, il fait un peu moins le malin tout d'un il coup. Il ferme un peu sa gueule, ok. Il est là, attendez, merde, qu'est-ce qui se passe Il cherche son manuel, comment qu'on fait pour les bateaux et tout. Et il se dit, les bateaux bon, pour les nuls. Le gars, son plan, il se dit, on va s'éloigner de la tempête. D'accord. Bon, c'est... plus ou moins, on peut être d'accord ou pas avec cette technique maritime. Oui, bah de toute façon, on va pas foncer dedans non plus. La nuit tombe. Oui. Et là, bon, l'ensemble des passagers commence à se rendre compte que visiblement, le capitaine est une bille. Il connaît rien. Donc la nuit tombe, c'est encore la tempête. Là, ça commence à être la un tempête peu la s'est calmée, mais en fait, ils sont paumés. D'accord. Ils sont complètement paumés, ils commencent à s'embrouiller. Il y en a qui veulent être remboursés par le capitaine et tout. Mais parce que ça se passe à quelle période à peu près? Ce bateau à moteur, c'est je veux dire les jours actuels. Je voulais dire à quel. Je peux vous donner la date de sortie du film qui est contemporaine oui, d'accord, à l'époque ouais. de l'action. Ouais, d'accord. Le film est sorti en 1977. D'accord, donc oui. Ok. Voilà. Et alors tout d'un coup. Ok. Effet sonore, ils se font percuter par un paquebot. Ah oui. Par un paquebot. Ils se font percuter par un paquebot. Ils sont percutés par un paquebot, ils s'en prennent plein la gueule, il y a la cabine qui se casse, enfin, gros truc quoi. D'accord. Ils sont à deux doigts de chavirer. Ouais. Le capitaine se réveille, ben, c'était le seul qui s'était pas réveillé. C'était le seul qui s'était pas réveillé sur le ivre mort, j'imagine. Bah, il prend du Dodormil, je pense, certainement. Sans doute. Et il leur dit, ouais, vous êtes des cons, il s'est rien passé, tout. Il est vraiment borné quoi. Et donc, le lendemain matin, ils ont dérivé à proximité d'une île déserte. Et c'est là que vous allez vous chier dessus. Non, bien. C'est, parce que là, c'est l'angoisse. Ils se réveillent voilà. dans le bateau, ils sont à proximité. Alors attendez, parce que j'ai une question. Oui, je vous en juste, prie. Juste, excusez-moi. Ah, mais je vous en prie. Ils viennent de se faire percuter par un paquebot. Oui. Malgré ça, ils continuent la route sur une. Oui, île. Parce qu'en gros, ça les a fait bouger un petit peu. Ça leur a fait. Ils ont été à deux doigts de chavirer. Ah, ça oui. a cassé un petit morceau de la cabine sur le dessus, mais la coque n'était pas percée. Ils ont continué à dériver tranquillement. Un paquebot tranquille ou quand même jusqu'au petit matin. C'était un gigantesque paquebot. Ah bon, un gigantesque paquebot. Énorme. Qui percute un bateau de 15 mètres. Et certains passagers soupçonnent que ce soit un paquebot fantôme. Ok, voilà. Oh, d'accord. Ok. Alors le lendemain matin, donc ils ont dérivé à proximité d'une île déserte. Très bien. Et là, le capitaine, il a disparu. D'accord. Vous feriez quoi, Jean-Pierre, à ce moment-là? Si le capitaine avait disparu, ouais. sur une île déserte, tout seul. Bah, il a disparu du bateau. Vous, l'instant, vous êtes encore sur le bateau à proximité de l'île déserte. Ah oui. Et le capitaine n'est plus sur le bateau, il a disparu. Bon, excusez-moi, mais sans prétention, si c'est un bateau à moteur, je pense que je prends les commandes et le et bateau en est cassé. Vous êtes à une centaine de mètres de l'île. Oh bah. On dirait un jeu de rôle. Jeter un dé de 12. Jeter un dé de 12, ah, vous avez fait 0. Non, je évidemment, hein, je pense que c'est ce qu'ils vont faire. J'irai à la nage. Une centaine de mètres de l'île, on nage. Alors, eux, ils ont été un peu plus malins que vous, parce qu'ils ont récupéré les canaux du bateau, ah oui, pour y aller. Vous ne m'aviez pas dit, vous m'aviez pas dit, vous êtes vraiment un maître du jeu. J'aurais dû dire, je fouille le bateau, je regarde s'il n'y a pas des canaux. Jeter un dé de vision. Et vous êtes myope. Alors, allez-y. Ils se rendent sur l'île. Oui. Et là, bon, ils trouvent le capitaine mort, je ne vais pas tergiverser. Hein. Ils trouvent le capitaine décédé, mort. Décédé, séché, terminé, bonsoir. Sur la plage, voilà. D'accord. Donc, sans trop de cérémonie, ils lui posent une serviette de plage sur la gueule. Ah, quand même. Et ils se mettent en quête de visiter l'île un petit peu. D'accord. C'est une île qui a l'air tout à fait déserte. Donc, très bien. Ils marchent. Grande île, petite île. Assez grande île, quand même. Ouais, ok. Ouais. D'accord. On est sur la Corse. Ouais, un peu plus petit que la Corse. Ok. L'île de Ré. Un peu plus grand qu'il une île chiant. De taille moyenne, disons Belle-Île. Ah oui, ça va. Ouais, Belle-Île, mais c'est pas c'est un tout petit truc de rocher. Ouais, voilà, quoi. D'accord, ok. Belle-Île, c'est bien. Donc, après avoir marché à travers la jungle, ils arrivent dans une immense villa. D'accord. Toute blanche. Très bien. Un peu en ruine, qui a l'air totalement abandonnée. D'accord. Vous voyez, un peu style colonial, architecture coloniale. Il y a des, y a du lierre et des ronces qui ont envahi un petit peu les colonnes. Nature et qui reprend ses droits, tout voilà, ça. Voilà, tout à fait. Donc, ils commencent à visiter un petit peu la villa, tous ensemble, ouais. Avec les cuisiniers, la fille, le couple de beauf, etc. Ah oui, c'est vrai que oui, le couple et de beauf. Et tout d'un coup, Jean-Bierre, accrochez-vous. Accrochez-vous. Alors qu'ils sont en train de visiter les lieux, une musique se met à résonner dans toute la villa. Oh là. Une délicate symphonie qui s'extirpe d'un gramophone déposé sur le parvis de la villa. Quand tout d'un coup... Une voix résonne, Jean-Pierre, dans la villa. Très bien. Pourquoi êtes-vous... Oh, la voix terrifiante, apparemment. Pourquoi êtes-vous venu dans cet endroit? Un Belge? Un Allemand. Ah, pardon, excusez-moi. Un Allemand, je me fais... Pourquoi êtes-vous venu dans cet endroit? Une fois. Pourquoi êtes-vous venu dans cet endroit? Ils se retournent tous. Ils ne voient pas... ils voient personne. D'accord. Ils ne voient personne. Vous n'allez quand même pas me dire que... Oui, bon, allez-y, attendez. Continuez. Ouais. pas de conclusion hâtive. Ils sont là. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous, monsieur? Ils n'entendent rien et tout. Qui dit, je suis le seul habitant de l'hôtel. Vous n'avez pas le droit de venir ici. C'est chez moi. C'est chez moi, là. Vous me laissez tranquille maintenant, là-haut. C'est bon, là. S'il va, quoi. C'est bon, là. C'est bon, là. Vous partez de ma villa, quoi. C'est bon, je me chie ici, là. Ce combo là, parfait. Allez-y. Et donc, bon, bah, les gars comprennent que c'est plus ou moins un clodo qui habite là, quoi. Un clodo ils allemand. Ils comprennent ou ils croient? Bah, ils croient, ils comprennent. Voilà, mais non, mais je veux dire, ils l'ont pas vu. Donc, non, mais ils imaginent que c'est certainement un clodo. À oui, voilà, ils imaginent. On est un ermite, il y en a qui proposent que ce soit un ermite. Voilà, qui se terre là un petit peu. Voilà, un truc comme ça. Bon, ils dorment tout de même dans la villa. Mm-hmm. Ils sont pas plus effrayés que ça. Et le lendemain matin, le cuisinier veut retourner parce que bon, le cuisinier, il a des occupations de cuisinier, donc il veut retourner au bateau chercher des boîtes de conserve. Oui, mais la base, hein, il pense qu'à ça. Ok. Et malheureusement, il traverse un peu la mangrove pour retourner près de la côte. D'accord. Et il se casse la gueule et il tombe la tête dans des oursins, dans des pics d'oursins. Oula. Il s'en met partout sur le visage et tout, et c'est à ce moment-là qu'il se fait attaquer par quoi, selon vous? Attendez, excusez-moi. Déjà, dans la mangrove, il y a des oursins. Ouais. Excusez-moi, hein, mais j'ai des doutes là-dessus. Quand bah même. Si. Ok. Mais pendant qu'il est tombé sur les oursins sous l'eau, il se fait attaquer par quelque chose. Mais par quoi, d'après vous, Jean-Bierre? Alors, je sais pas. Si on est dans une mangrove, pour y avoir été pendant quelques temps, ça, je ne sais pas s'il y a un passage de ma vie que vous connaissez. Mais, Ah ouais oui, ah oui, oui, c'est vrai, oui, tout à fait. Passé 3 mois dans les mangroves, quand même. Donc, c'est pour ça que je n'ai jamais vu d'oursin. Donc, ça me surprend un petit peu. Mais bon, soit, passons. C'était peut-être pas au même endroit. C'était peut-être pas au même endroit, mais quand même, les habitats un petit peu voilà, similaires. Du coup, je dirais, s'il se faisait attaquer par quelque chose, une espèce, soit un crabe, parce qu'il y a beaucoup de crabes dans les mangroves, ouais. Soit une sorte d'anguille, un petit peu, voilà, on est sur de l'eau pas très profonde, voilà, non, un petit c'est peu. C'est pas mal. D'accord. C'est assez bien réfléchi, seulement vous n'y êtes pas du tout. Et l'accent allemand aurait dû vous mettre sur la voie parce qu'il se fait attaquer par des nazis. Oui, monsieur, des nazis morts vivants qui ont la capacité de marcher et de respirer sous l'eau. Si vous voulez, c'est entre la loutre et le SS, quoi. C'est un petit peu un délicat mélange. Donc, ils ont une peau toute pourrie. Vous voulez dire que c'est un petit peu entre un mélange entre Mein Kampf et Pirates des Caraïbes. Ouais. Voilà. C'est ça. Soit le Grand Bleu, soit Pirates des Caraïbes. Entre le pianiste et le Grand Bleu. Exactement. Ok, très bien. C'est ça. Et donc, voilà, c'est des nazis, donc ils sont en tenue de nazis. Hein. Oui, bah. Sauf qu'ils ont des lunettes de plongée. Parce mais, que, non, même... mais si. Bah, si, Jean-Bierre est sous l'eau. Faites comment, vous, pour voir dans la mangrove. Oui, mais déjà, je respire pas sous l'eau, je marche pas sous l'eau. Pardon, vous êtes pas nazi, donc. Bon. On en parlera pas ce soir, non, mais, oui, oui. Mais on donc... une chronique là-dessus. Et donc voilà, il se fait attaquer par ça. Mm-hmm. Donc ça respire sous l'eau, ça marche sous l'eau, et c'est d'accord. Visiblement nazi, quoi. Ok. Donc il se fait tuer. Ah, il se fait tuer. Ouais. Ah oui, il lui saute dessus, genre, non, c'est dur. Il le bute comment, genre shuriken en étoile nazi ou... Non, non, il lui saute dessus, il lui grignote la gorge. Ah oui, donc nazi vampire un peu quand même. Non. Nazi zombie. Ouais, ouais, c'est nazi mort-vivant. Nazi mort-vivant. Ok, très bien. Donc les autres s'inquiètent un peu pour le cuisinier et ça fait quand même un petit moment qu'il est parti. Même s'il l'aime pas trop, c'est un poivreau le cuisinier, comme tous les cuisiniers. Oui, mon père est cuisinier. Oui, bah c'est pour ça. Oui. Et donc ça fait quand même deux cadavres quand il... ouais. Parce qu'ils se mettent à sa recherche, ils le trouvent. Donc d'accord. Ça fait deux cadavres, mais bon, ils sont toujours pas plus inquiets que ça. Et quand ils reviennent dans l'hôtel, ils voient que le vieux Clodo leur a préparé une petite mise en scène de bienvenue, puisqu'il a installé des petits drapeaux nazis. Enfin, il a un petit peu habillé la villa à son goût. Il a mis sa plus belle tenue du dimanche. Et il genre, a... c'est-à-dire ? Bah, il a mis son uniforme. Ah oui, d'accord, ok. et donc là, c'est un peu là, tout le sel du scénario. Ouais. Il leur explique ce qui se passe. D'accord. Et il leur dit en fait que c'était une super armée, parce que je rappelle, on est en 77. Oui, oui. Que c'était une super armée qu'on lui avait demandé de créer. Pendant la Seconde Guerre mondiale. Je suis juste en train de me dire que si c'est pendant, un vrai film. Pendant... Enfin, non, justement, que si c'est un film que vous avez imaginé. Mais bref, continuez. Ça lui a dit que c'est une armée donc qu'on lui a demandé de créer pendant la Seconde Guerre mondiale, mais d'accord. Qu'elle est devenue incontrôlable. Très bien. Alors, on lui a demandé de les éloigner. D'accord. Et en fait, en bateau, ils ont échoué et ils sont retrouvés sur cette île d'accord, abandonnée. Donc, une sorte d'armée de SS, mais de compète, genre voilà. Le GIGN version SS. Sauf qu'ils étaient incontrôlables et quand ils ont perdu la guerre, ils ne servaient plus à rien tellement d'accord. Ils étaient incontrôlables. Donc on a demandé à ce général d'emmener d'accord. Tout son régiment okay. De gars. Et qu'ils ont échoué sur une île. Qu'est-ce qui fait qu'ils respirent sous l'eau et qu'ils sont toujours vivants? Justement, ça faisait partie de l'amélioration qu'on leur avait donnée. D'accord. C'était ça. Et en fait, ils reviennent à la vie de façon perpétuelle. Donc, et nazi, le seul gars qui n'a pas été modifié, mutant, quoi. C'est le vieux Clodo. Donc lui, il vit avec tous les mecs autour de l'île, voilà. Mais comment Ah, donc lui, il vieillit vraiment, quoi. Ah oui, oui. Ok, d'accord. Ouais. Ensuite, bon, là, on arrive sur la fin du maxi pitch, donc vous allez d'accord. Pouvoir donner votre réponse. Oh là là, ensuite, vous me faites donc, très peur, là. Le film se poursuit de façon assez classique, d'accord. Vous imaginez bien, ils essayent tous de survivre, ouais. Mais je ne raconterai pas plus cette non. Fois, parce que l'autre fois, je me dis que j'avais peut-être trop raconté. Non, c'était bien, c'est parce que je vous ai fait une réflexion en disant que ce pitch était long, vous l'avez mal pris. Non, bah, non, non, c'était pas, très pas, pas au si, niveau si, de la si, vous l'avez la mal pris, vous avez pleuré après, si, niveau, si, vous avez vraiment mal pris. Je parlais pas au niveau de la longueur de l'intervention, je parlais au niveau de... Quel point je raconte le film, jusqu'où d'accord. Je vais dans sa vie, pour que les gens qui ont envie de le voir. La dernière fois, vous aviez tout raconté, c'est vrai. Oui. Voilà, donc là, je vais m'arrêter ici pour savoir d'accord. Comment ils s'en sortent, etc. Donc voilà, là, c'est un petit peu la question que je vous pose. Ce film existe ou pas, Jean-Bierre ? C'est très très dur à dire parce qu'il existe des tas de nanars. Par exemple, le nanar où les nazis sont cachés sur la face cachée de la Lune, justement. D'accord. Où ils reviennent sur Terre. Ça, c'est un quelque film chose... qui date de quand, à peu près ? De quoi est-ce que je viens de raconter ouais. Là c'est plus récent que c'est plus récent c'est ça, que ça. Parce que la date est importante. Ouais, en fait, aussi. C'est ça. Si vous êtes si le film est vraiment sorti en 77, ça serait super précurseur. Ça serait vraiment très très hallucinant. Mais à l'autre côté, vous m'avez tellement surpris l'autre fois avec The Gate. Oh, si je me plante, c'est la lose. Côté, ouais. Allez-y, Jean-Bierre. J'ai envie de dire que ce film existe. Oui, Jean-Bierre, ah, yes. Ce film existe. Ah, yes. Alors, je vais vous laisser savourer votre joie. Oh là là. Parce que je vais comme d'habitude bah, vous oui. Chercher le DVD. Le DVD. C'est un gros plaisir. En tout cas, j'ai vraiment bien hâte de le voir celui-ci. J'espère qu'on va le regarder encore. Oh là là, voilà la jaquette. Oh merde, la laideur du truc. Alors, donc ce film s'appelle Le Commando des Morts-Vivants. Et son titre original, c'était donc Shockwaves. Oh, je suis choqué. Bah voilà, exactement. Shockwaves. Qui veut dire onde de choc, donc. Ouais. Et c'est un film ça. Réalisé par Ken Windhorn, sorti oh donc là en là, 1977. Putain, le foufou, lui, quand même, d'avoir fait ça à cette époque-là. Tout à fait. Au plus profond de l'horreur. Donc, comme la dernière fois, je propose de lire le pitch original. Mais, bien sûr. Enfin, voilà, vous l'avez déjà. Et après, je me permettrai de vous faire une petite analyse sur ce film aussi, puisque j'ai quand même encore quelques mots à en dire. D'accord, très bien. Aux jours les plus sombres de la Seconde Guerre mondiale, le haut commandement nazi avait chargé des scientifiques de créer un commando de morts-vivants, indestructibles, dépourvus de tout sentiment, ils devaient assurer la victoire du Troisième Reich. Aucun des membres de cette unité SS très spéciale n'a jamais été retrouvé. 30 ans plus tard, des naufragés échouent sur une île au large de la Floride, à l'endroit même où les zombies SS ont retrouvé... refuge, pardon, à la fin de la guerre. Voilà. Un petit bijou. Tout à fait. Et c'est un film... Allez-y, allez-y. Voilà, que moi, encore une fois, j'aime beaucoup. Ouais. Parce qu'on pourrait dire, voilà, c'est un nanar, c'est un scénario complètement farfelu, abracadabrantesque, et... ouais. farfelu, etc. Mais non, encore une fois, je trouve qu'il y a du fond et ça raconte quelque chose. Déjà, comme vous l'aviez un peu perçu, c'est considéré comme le premier film qui a allié l'idée des morts vivants oui. et des nazis. Mm-hmm. Il y avait bien un film un peu plus ancien qui s'appelait Frozen Dead. Frozen Dead. Qui était un film anglais de 66. Ça me dit rien, ouais, ok. Qui, en fait, c'était des nazis, mais congelés. Qu'on décongelait. Donc c'était pas vraiment des marions, c'était pas du tout. Austin Power version nazi. Voilà, c'était pas du tout les mêmes optiques. D'accord. Et c'est un film vraiment, je trouve, très intéressant parce que en fait, il exploite okay. l'idée de la peur, en fait, de la résurgence nazie. D'accord. Qui existait encore dans les années 70. Parce que si on fait un petit peu d'histoire, sortez votre pipe, bourrez votre pipe. Même si la Seconde Guerre mondiale est terminée depuis une trentaine d'années, du coup, dans les années 70, ouais. on continuait évidemment à encore chasser les nazis à travers le monde. D'accord. Que ce soit en Amérique du Sud, au Proche-Orient, il y avait les célèbres ouais. chasseurs de nazis, Simon Wiesenthal ou les époux Klarsfeld, entre autres. Ah, les époux Klarsfeld, ouais. ça, j'ai vu un reportage sur eux, c'était assez hallucinant. Voilà, donc par contre, l'autre, c'était quoi, Daniel ? Simon Wiesenthal. Ok. Et donc, qui est. Ah, un arrière-grand-père ou un grand-père de Frédéric. Oui, tout à fait, taxi. Très bien. Non, d'accord, c'était pour situer pour les auditeurs. Faisons un peu d'histoire. Tout à fait. Et donc, puisqu'à cette époque, il y avait encore cette chasse, ouais. je trouve que ce film joue vraiment sur cette peur. L'idée d'un mal qui s'est dissimulé, en fait, à travers le monde. Très bien. L'idée qu'un endroit, dans les endroits les plus reculés du monde, mm-hmm. Au même titre donc, que les anciennes SS pouvaient se cacher. D'accord. On peut encore trouver le mal qui s'est dissimulé et qui est encore présent et qui peut ressortir à tout moment. La symbolique des soldats qui ne vieillissent pas, c'est assez représentatif D'accord. de l'idée de ce mal qu'on ne peut jamais réellement supprimer. Et la répartition sur le globe des nazis après la, première guerre, après la Seconde Guerre mondiale, pardon, globe des nazis. C'est un peu l'idée comme un hydre à D'accord. mille têtes qu'on ne pourrait abattre comme ça. Genre l'idée quelque chose qui revient tout voilà. le temps, un peu comme l'idéologie. Voilà, non, on croit que c'est ça. Terminé. D'accord. Et au détour de eux sur un bateau à moteur, ils vont tomber encore ils sur ça, un là-dessus. Foyer qui est resté là. Mm-mm. Et quelque chose qu'on ne peut jamais vraiment annihiler. Très bien. Je trouve ça quand même assez intéressant quand on se dit, c'est le premier film. Donc encore une fois, c'est un film qui a été fait au premier degré. Qu'on a souvent avec les nanars qui sont sortis plus récemment. Surtout que, enfin, je l'ai pas vu, hein, mais j'imagine que ça a dû très mal vieillir. Enfin, en ça termes a assez de mal visuel, vieilli. Même de jeu d'acteur, ce genre de choses, de décor. Je connais pas le budget de ce film, évidemment. $200,000. Ah oui, 200 000 $. Ah la vache, 200 000 $. Oui. Ah, donc c'est pas énorme. Ah bah non, c'est que dalle, oui. Oui, c'est rien. C'est pas quoi. Énorme. Non, ok. D'accord. Et donc, c'est un film qui a quand même fait polémique à l'époque. Parce ouais. qu'il y a eu des manifestations devant les salles. Parce que. Enfin, oui, j'imagine qu'en 77, ça a dû choquer. Un c'était peu. Pas. On utilisait peu les nazis dans un registre d'horreur, en fait. Ouais. On les utilisait parfois dans un registre de comédie pour les tirer un peu en ridicule. Mais c'est, dans un registre oui, bah... d'horreur, c'était plus rare. Et c'était la première fois. Très bien. Et donc, c'est quand même voilà, une idée qui a une grande répercussion, parce qu'il y a énormément de films après qui ont allié oui. les nazis. Donc, comme vous parliez du film... Voilà, je me souviens plus comment il s'appelle, ce film, mais voilà, qui doit être très bien classé sur Nanarland, hein, d'ailleurs. À mon avis, il doit avoir une très, très bonne note. Ah oui, mais après, il y a aussi Dead Snow, etc. Frozen Dead ? Non, vous disiez quoi tout à l'heure ? Il y a eu Dead Snow et il y a eu Frozen Dead. Oui, mais D'accord. Dead Snow, après... Ok. Après ce film-là. Donc, c'est pas anodin donc, que ces figures soient liées. Mm-hmm. Le nazi, le mort-vivant, parce que D'accord. comme je disais... C'est quelque chose de mort, comme le nazisme, mais qui peut renaître à tout moment. Quoi. Quelque chose qui revient de façon cyclique. Et je trouve qu'allier ça, en fait, c'est une symbolique qui est très forte. Une idéologie. Et je trouvais ça très intéressant. Voilà. Une idéologie un peu nauséabonde qui revient voilà. tout le temps. Oui. Et voilà pourquoi j'aime ce film, parce qu'il est sincère. Et d'ailleurs, dans une interview, donc l'acteur principal du film qui joue, vous le verrez tout à l'heure peut-être, bah, le compagnon, à 6h du mat' sans doute. Hein. Le compagnon du capitaine, donc Luc Alpine. Qui, pardon Luc Alpine. Luc Alpine, juste pour d'accord, okay, donc, bah, qui est un acteur assez cool puisqu'il jouait quand même bah, dans Flipper le dauphin, il jouait l'enfant. Donc une grosse carrière aussi. Voilà. Arrêtez de regarder votre computer, Richie. Il dit que vraiment ils ont pris énormément de plaisir à faire ce film, d'accord. parce que c'est un film qu'ils ont fait sincèrement, okay. et qu'il a eu beaucoup plus de plaisir à jouer dans ce film que dans des films à plus gros budget, etc. Parce que, ok, d'accord, très il bien. Il a dit, il dit quelque chose de très beau dans une interview, parce que j'ai regardé les interviews de Luc Alpine. Oui, d'accord. Il dit jouer dans un film, c'est parfois jouer comme un enfant, à se faire peur et à se cacher. Oh. Et c'est peut-être ça l'essence du nanar, et je conclurai là-dessus, mon cher Jean-Bierre. Voir des gens qui se sont amusés avec sincérité à raconter une histoire. C'est beau, c'est très très beau Richie, et je vous remercie une fois de plus pour ce maxi pitch de l'improbable. Et encore une fois, on débriefera sur Chuck Waves, le commando des morts vivants, sur la prochaine émission. Avec et plaisir. J'invite d'ailleurs les auditeurs à le regarder entre temps. Bien sûr. Très bien. On va se faire maintenant une petite pause musicale. grille de la station. Grille de la station, Jean-Pierre et Roberto et Richie Bouze. Jean-Pierre et Richie sont deux amis et pour la vie, ils vont corps à corps et s'enivrent clopin clopin. Jean-Pierre et Richie ont le cœur pur et c'est ainsi qu'ils font fi du physique, acceptent leur tête de gland. Ils n'ont pas de maison et c'est dans la cabane de la mamie de Richie que la magie opère avec leur potion. Ils ont un peu honte parfois que le parrain de l'émission soit devenu actuellement le nouveau président des États-Unis. Allez, chauffe, chauffe, fais péter la soupe à l'oignon. Et nous voilà de retour. Alors, Ichibouz, comment allez-vous? Bah, ça va, cette fois, je ne vais pas m'étouffer avec une miette de pain en prenant l'antenne, ce qui a été le cas tout à l'heure. En prenant l'antenne Eh oui, on air, on comme air, disent les jeunes. Comme disent Difool. Difool qui refoule. Oh là là, un Romano. Peu engagé. Je sais pas. Et je... voilà, votre sens de l'improvisation. je croyais que c'était un vrai slogan. Non, non, non, pas du D'accord. tout. Pas du tout, pas du tout. Qu'est-ce que vous avez pensé de la merde qu'on vient d'écouter là? Alors voilà, là c'est le côté un petit peu véreux de Jean-Pierre. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore préparé les musiques qu'on va intercaler dans les sections. Mais il sait que c'est une musique que je vais concocter, donc il essaye de me mettre dans l'embarras. On Exactement. Est vraiment sur, sur de la pourriture humaine, on peut le dire. On peut le dire ça. Ma mère le dit souvent. Elle est bien, votre mère d'ailleurs. Oui, elle est bien. Comment va sa chatte? Oh, vous voulez dire pistache? Ouais. Oui, elle va très bien. On a dû l'emmener chez le veto l'autre jour, elle perdait beaucoup de poils. Oh là là, ouais, elle était un petit peu elle était un peu pelée d'un côté, hein, je me souviens. Ouais. Elle était tout ébouriffée et puis elle collait, qu'est-ce qu'elle collait. Alors, Jean-Marie Bigard, si tu m'écoutes. Quelle horreur. On est parti. Aujourd'hui, oui. Ce soir, deuxième chronique. Jean-Pierre qui est en train de cracher de la nourriture. Ah oui, voilà. Dans son, comment on dit ça, un cache-pop, le filtre anti-pop. Le filtre anti-pop. Et du coup, je suis en train de manger un petit peu parce que j'ai pas mangé avant de venir. Ça et sent donc je à crache, peine, Jean-Pierre. Richie, pardon. Je crache oh là là. Quelques petits bouts de pain. Très bien, de pain. Mais le pain. Parfait, parfait. Alors. Allez, un petit peu de sérieux. Je crois que le meilleur de notre émission sont les intros. C'est qu'on va faire une émission que d'intro. Hein. Les chroniques sont chiantes à mourir. Fais les intros. On va faire ça. Et après qu'on coupe, et tout de suite la chronique, et musique, la chronique. Et on intronise. Et parce que les intros... On introduit plutôt. Allez, le prix Goncourt cette semaine. Ah, moi j'étais pour Magie de Cherfi, moi. Magic Surfing. Magie de Cherfi, ah, ma part d'accord. de Gaulois. J'étais Très bien. Pour son livre, moi. Je ne connais pas, mais par contre, je ne connais pas. Non, bah, allez-y, marchez, faites. Très bien, parfait. Alors, moi, contrairement au premier épisode, comme Mr. Booze, je ne vais pas présenter de personne du jour. Qu'est-ce qui se passe? Non, allez-y. Très bien. Je ne vais pas présenter de personne du jour. Je vais, ce qu'on avait dit, je ne sais pas si vous vous souvenez, Richie, mais dans le premier épisode, on disait oui, la personne du jour serait un peu le leitmotiv, mais un petit peu l'élément récurrent de nos émissions. Mais on a menti. Mais c'est notre régisseur qui nous a induit en erreur. C'est aussi le régisseur qui nous a dit ça. Et puis, en plus, on voulait faire quelque chose de différent, pas à chaque émission. Mais qu'on a présenté Pascolino déjà? Non. D'ailleurs, oui. Est-ce que vous pouvez l'introduire? Enfin, pas. Voilà. Je veux dire l'introduire vocalement. Enfin, non, mais enfin. Bon, est-ce que vous pouvez en parler. Donc, en fait, on a un régisseur qui est un peu une personne qu'on aime beaucoup, qu'on a recueillie, qui s'appelle Pasqualino, qui nous aide un peu, qu'on a recueilli via une association qui s'appelle Les Amis de Pasqualino. Du Benko pour Pasqualino. Qui a un petit déjeuner offert pour chaque Pasqualino qu'on recrute. Et donc lui, bah, il s'occupe un peu d'installer notre matériel, de couper les ongles de pied de ma grand-mère, de couper du bois, repeindre les volets. Fin... C'est ça. Il y a une application qui est sortie d'ailleurs. Ouais. Pasqualino Go. Oula. Pasqualino c'était Go. C'était l'allemand. C'est l'allemand du film de tout à l'heure. C'est il ça. Revient. Il revenait le clodo. Vous n'êtes pas chez vous là, une fois. La version belge de des morts-vivants, je sais pas quoi là. Commando des morts-vivants, très bien. Donc voilà, mais je pense qu'on développera le Pasqualino plus tard. On présentera Pasqualino une autre fois. Là, il se présentera tout seul. Il est en train de fumer sa clope dehors de la cabane. Voilà, très bien. Donc je vous laisse enchaîner. Alors, on parlait de l'homme du jour et qu'on n'avait pas tenu justement, ce leitmotiv. C'est pas un homme du jour. Moi, je voulais parler de quelque chose, d'un événement qui... Alors, vous allez voir, et vous allez sans doute le ressentir assez rapidement si vous, si... Enfin, si vous y connaissez dans ce domaine-là, mais c'est un événement que je ne maîtrise absolument pas. Ah, bah c'est-à-dire bien. Que c'est une bonne idée, ça. C'est-à-dire là, c'est... Ça, c'est bien une idée à la Jean-Pierre, ça. Chronique sans filet, j'ai envie de dire. Comme un filet de saumon. Laurent Ruquier. Si tu nous écoutes. Les grosses têtes. On t'oublie pas. Oui. Alors, je voulais parler... Un filet de pêche. Et de tennis. Et on peut y aller. Un filet à cheveux. Tous les sports de raquettes. Puis en ce qui vous concerne, j'en viens un filet de bave. C'est tout pour moi. J'appelle Richie. Drop the mic. Drop the filtre pop. Allez-y, allez-y. Très bien. The young pop. Filtre anti-pop. Filtre anti-pop. Pardon. Je vais parler d'un événement qui est très récent et qui est survenu, ça ne se dit pas non plus, je ne vais jamais réussir à trouver une tournure de phrase correcte, qui est arrivé le 21 octobre 2016. Le 21 octobre 2016, Richie, c'était quand ? Bah, c'était, je crois, entre le 20 et le 22 octobre 2016. Excellent, Richie. Si je ne m'abuse. C'est hein. Exactement ça, vous pouvez vérifier sur votre agenda. Bah, je vais vérifier, ça. Alors attendez un instant. Allez-y. Oui, c'est ça, c'est entre le 20 et le 22. Très bien, parfait. Et bah, c'est bien ça, on parle bien de la même période. C'était un vendredi. C'est ça, c'était exactement ça. Un vendredi et plus exactement un vendredi en fin de journée. Est-ce que vous savez ce qui est arrivé ce jour-là ? Quelque chose qui est quand même... Est-ce que c'est quelque chose lié à la météo ? C'est quelque chose de planétaire ? C'est quelque chose de planétaire, oui, mais qui n'est est-ce pas lié... Est-ce que c'est la journée sans tabac ? Arrêtez de m'interrompre, hein. Si vous me posez une question, vous écoutez la fin de la réponse. Ben, vous m'avez dit non. J'ai dit si, j'ai dit c'est quelque chose... J'ai dit non. Mais soyez pas agressif avec moi. Hein. J'ai l'alcool mauvais, ok. Oui, c'est vrai. Ça veut très Il bien. A changé de breuvage et c'est pas du tout bon pour Jean-Bierre. C'est quelque chose de planétaire, mais pas lié à la météo. Est-ce que c'est lié à Planet Rap, la compil de Skyrock ? Ouais. Non. Non. Malheureusement, non. D'accord. Pourtant, j'ai raconte... entendu votre réponse. Du coup, c'est planétaire, c'est pas... C'est planétaire, mais c'est pas lié à la météo. Un événement peut être planétaire sans oui, être lié donc, à la météo. Alors, donc, je peux faire ma deuxième question ? Allez-y. Merci. Est-ce que c'est donc la journée de la femme, internationale des cabinets, la journée internationale... Des cabinets ? Oui, ça existe. Genre des cabinets publics ? Non, des cabinets des chiottes publics. Privés, ouais. Hein ? Bah oui, parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas de toilettes dans le monde et ça crée beaucoup de problèmes d'hygiène. Non mais vous... Ok, non, alors... Non, c'est pas une journée comme ça, c'est pas une journée spéciale. Non, enfin non, c'est pas une journée comme ça, non. Vous voulez que je vous dise ? Bah aidez-moi un petit peu, j'ai envie de trouver un peu. C'est quelque chose un peu lié aux nouvelles technologies. Au NTIC, comme disent les profs d'éco SS2J en 2000. SS2J Cloud. C'est ça, exactement. Voilà, un petit peu nouvelle technologie de l'information et de la communication. Le ah, je sais. Janvier. C'est là où le Samsung Galaxy 7, Samsung Galaxy... Alors, Richie. Samsung Galaxy Quest. Très bon film. Si vous en voyez que vous avez un smartphone. J'ai voulu faire le gag que j'y connais en téléphone et voilà, mais ça a échoué. Samsung Galaxy Quest 7. Non, bah non, donc c'est pas ça. Hein. Très bien. Ce qui s'est passé, on va couper court à cette humiliation publique. Ce qui s'est passé, c'est que moi qui suis quand même peut-être pas un accro, mais en tout cas un amateur de tout ce qui est internet, réseaux sociaux, etc., le vendredi 21 octobre 2016, quand je suis rentré du travail et que je voulais me connecter à Twitter, ah, à je Reddit, sais. À SoundCloud ou encore à je Netflix, sais, je sais. Plus rien ne marchait. C'était le plus grand piratage web. Pas le plus grand, mais le plus long dans la durée. J'ai fait. Vu. C'est vrai. J'avais vu en fait. Ouais, voilà. Et donc c'est ça qui est arrivé. Est-ce que vous savez un petit peu comment ça s'est produit ? Alors encore une fois, je ne maîtrise vraiment pas très bien. Je ne maîtrise vraiment pas très bien ces éléments-là, mais ouais. Je vais essayer en tout cas d'en parler. Est-ce que vous avez une idée ? Mais je crois que oui, c'était alors je que sais c'est, plus... c'est de la façon dont ça s'est fait que c'est que moi j'ai trouvé très intéressant. Alors moi, il me semble donc que c'était lié un peu aux États-Unis et au milieu du cinéma et que donc Johnny Depp qui joue un pirate Jack Sparrow a piraté. Un peu la toile, le web pour essayer de faire des bons films, je crois. C'était ça, non ? Et apparemment, il a lamentablement échoué. Oui, ça, du coup, ça a pas tenu longtemps. Johnny Depp, vous savez que même Tim Burton a arrêté de le faire jouer, donc c'est oui, fini pour lui. Oui, c'est-à-dire que, ouais, pourtant, les films de Tim Burton, dernièrement, c'est quand même pas... Oh là. Bah, la soupe aux choux, c'était pas bon. Ça C'est vrai. Donc, c'était mal. Ça fait en deux émissions, deux fois qu'on parle de la soupe aux choux. Il faudrait que je fasse un speech. Bah, oui, bah, je pense que... Un maxi-pitch, pardon. Un maxi-pitch de l'improbable. Ouais, ce qui s'est passé... ce qui s'est passé... C'est qu'en allez-y, fait, Jean-Pierre, parce que là, on perd du temps. Eu... À aller. Pardon. Il y a une saturation des services DNS. Est-ce que vous savez ce que c'est, les services DNS? C'est ce qui régit à peu près tout Internet. Les services DNS, en fait, c'est que quand nous, comme des benets... Bah, j'ai tape, pas répondu, du coup. Pardon? J'ai pas répondu. Non, mais parce que vous savez pas ce que c'est un service DNS. Si, ah bah si, j'avais oublié que vous étiez très fort en acronyme. Bah du coup c'est les dauphins nautiques sodomisés. Non. C'est pas ça. C'est ça. C'est hein. Ça. Oui, oui, c'est d'accord. Exactement ça. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une saturation des serveurs des dauphins nautiques sodomisés. Et alors, en fait, qu'est-ce que c'est qu'un dauphin nautique sodomisé? Ouais. Ne répondez pas à cette question, c'est purement rhétorique. D'accord. En fait, quand vous, par exemple, vous rentrez du travail. Par exemple, oui. Quand vous rentrez du travail, vous tapez en rentrant sur votre pad 3w.youporn.com. Oui, monsieur. Eh ben oui, oui, non. Je sais pas si on va l'entendre. Non, je tape lemonde.fr. 3w.youporn.com, voilà. Comme nous tous. Gouv. Ce qui se passe en fait, c'est que du coup, .gouv.ch, la Chine, évidemment, j'arrive à pied par YouPorn. Alors, ce qui se passe évidemment, c'est qu'en fait, ces serveurs DNS, ouais, exactement, servent. Je vais vous demander un tout petit peu de calme, parce que vu que c'est un sujet que je maîtrise absolument pas, ça va être très dur. Du rouleau. Ce qui s'est passé, c'est que quand nous, on tape un site internet, évidemment, c'est transcrit en 0.1, enfin bref, en adresse langage IP. Langage informatique, quoi. Exactement. Alors, pas du 0.1, ça je dis un peu de la merde, mais c'est transcrit en langage informatique. Ce langage informatique-là, c'est justement traité par ce qu'on appelle les DNS, les dauphins nautiques sodomisés. C'est-à-dire que quand on tape une adresse, ça passe par un serveur DNS qui, lui, va bien réaiguiller le site qu'on veut. C'est-à-dire que le DNS, un serveur DNS, c'est un peu l'aiguilleur du train de Internet. Ce qui se passe, c'est que le DNS, c'est géré par des entreprises. Et notamment, la plus grosse entreprise qui gère les DNS s'appelle DYN, D-Y-N. Et en fait, ce n'est pas les serveurs DNS à proprement parler qui ont été attaqués ce 21 octobre dernier. C'est en fait directement l'entreprise DYN. Ah donc, c'était eux qui étaient visés directement. C'est ça, c'est eux qui étaient visés. Non, oula, pardon, excusez-moi, je dis complètement l'inverse. Parce que DYN, c'est plutôt des slips, donc je vois pas trop pourquoi. Celle-là, en écrivant cette chronique, je m'en suis douté. Voilà, non, en fait, ce que je voulais dire, c'est complètement l'inverse. C'est les serveurs DNS. C'est ça qui ont été visés. Ce qui s'est passé, c'est qu'en envoyant des requêtes en grand nombre à des serveurs DNS, ça a à DYN, pardon, à DYN, oh là là. Mais des requêtes. L'échec des requêtes. De c'est-à-dire, en fait, des. Ok, d'accord. Très bien. Ok. Je vois le style. Ce qui s'est passé. Mais du coup, rappelez-nous un petit peu. Rappelez-nous un petit peu, là, DNS, DIM, les slips, les raquettes. On est un peu perdu, Jean-Pierre. Oh non, franchement, si des gens un peu spécialisés dans le domaine écoutent cette chronique, je suis navré d'avance. On les invite à intervenir. Hein. Appelez le téléphone en appelez pot le téléphone de Jaguar. En pot de panthère. De panthère. Jaguar, c'est un film excellent avec Patrick Bruel. Ouais, très bon, Jaguar. Voilà, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des requêtes en grand nombre. Des requêtes arrêtées, des requêtes informatiques qui ont été envoyées à DIM. La salade, là. La requête. Je peux pas, j'ai oublié ma raquette, j'ai mâche. Ah oui! Merci! Laurent Ruquier, merci si à tous. Tu nous écoutes, on t'aime. Pasqualino est mort de rire. Il est mort tout court. Ah non, mort non, de rire. Mort de rire. Oui, c'est bon, ça va. Non mais j'aime bien reprendre un petit peu. Donc, ouais, un peu ouais, sérieux, ouais. Parce que c'est quand même important ce qui s'est passé. Oui. Ça n'est jamais arrivé, non, un piratage c'est... de cette ampleur. Bah, de cette durée surtout. En fait, ce qui d'accord. s'est passé, donc, est-ce que je peux juste finir cette ah oui, phrase je vous en prie, après on continue hein. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un très grand nombre de requêtes qui ont été. Mais allez-y. Qui ont été envoyées justement à DYN. Ce qui se passe, c'est que du coup. Là, Jean-Pierre, oh, c'est pas, vous êtes vraiment une, ce qu'on appelle dans le milieu une crevure. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, quand on tape un site internet, ça envoie une requête à DYN qui retransmet après et qui aiguille sur le bon site internet. Là, ce qui s'est passé le 21 octobre, c'est que des gens mal intentionnés ont en fait infecté auparavant tous les objets connectés qu'on a, c'est-à-dire nos montres, nos téléphones portables, etc. Avec ce qu'on appelle des malware, M-A-L-W-A-R-E, à chaque fois que j'appelle parce que je suis très mauvais en anglais, donc voilà. Malware. Et en fait, ce qui s'est passé, oh joli, malware. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont infecté tous ces objets-là et qu'ils les ont activés en temps voulu, c'est-à-dire ils les ont infectés, je sais pas, c'est en fait c'est des personnes qui scannent des pans entiers d'Internet qui arrive à trouver que des objets connectés soient mal protégés et qui arrive à les infecter. Oui. Et d'ailleurs, j'ai vu après que les objets connectés qui se multiplient, c'est devenu vraiment la porte d'entrée la plus simple pour les piratages et pour... C'est exactement ce qui s'est passé là. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ont infecté ces objets connectés qui sont très peu protégés, soit parce que les utilisateurs mettent des mots de passe fait moins attention, habitués à protéger les ordinateurs et voilà quoi. Exactement, parce qu'ils ne se rendent pas compte du danger, etc. Et là, du coup, ces objets infectés-là ont été activés et sont mis à envoyer des requêtes dans tous les sens, justement à cette entreprise-là. Cette entreprise-là qui a complètement du coup saturé. Et ça l'a complètement foutu à genoux. Quoi. Et du coup, tous les sites dont dépendait l'aiguillage et qui était géré par cette entreprise-là sont foutus KO. Quoi. Et du coup, c'est quand même très intéressant de voir ça. Allez-y. Et c'est un site qui contrôle à peu près combien en pourcentage de... Dean, c'est le plus gros. Honnêtement, encore une fois, je ne maîtrise pas assez le sujet, mais c'est dans les plus gros. C'est vraiment un des principaux. C'est pour ça que, voilà, on avait dit Twitter, Netflix, Reddit, SoundCloud. Enfin, vraiment des sites très importants. Les gros sites majeurs. Voilà, rien que Netflix, Twitter, c'est quand même assez hallucinant. Ouais. Et voilà, qui sont gérés par cette boîte-là. Donc, évidemment, quand cette boîte-là se fait attaquer suffisamment, ça tombe. Et du coup, je trouvais ça un petit peu foufou la façon dont ça avait été fait. Est-ce que surtout je voulais mettre un petit peu en parallèle, c'est parce que j'aime bien mettre ça en parallèle avec des séries télé, un peu comme j'avais bien fait sûr, avec Stranger Things le dernier épisode. Là je vais mettre ça en parallèle un peu avec Black Mirror. D'accord. Je sais pas si vous avez vu la dernière saison de Black Mirror qui c'est est sortie il y a 3. Pas très longtemps. Exactement, c'est la 3. Vous l'avez pas vu? Non, voilà. Ni la 2 ni la 3. Bon, alors dans ce cas là on va pas en parler parce que du coup vu que vous l'avez pas vu, bah, vous je pouvez peut-être mentionner en ça de façon un petit peu C'est assez compliqué d'en parler de Black Mirror parce que c'est toujours des épisodes qui se passent la thématique reste toujours la même. Mais les acteurs changent entièrement, l'histoire D'accord. change et tout. Vous avez jamais vu Black Mirror ? Non, mais elle est sur Netflix, il faudrait que je regarde. En fait, ce qui se passe, dans ce cas-là, je peux vous dire très rapidement, Black Mirror, en gros, c'est dans un futur proche et ça traite un petit peu des dérives, des nouvelles technologies, D'accord. etc. Tout en restant dans un futur proche. Quoi. Sauf que la particularité de cette série, c'est que ce n'est pas quelque chose de suivi dans les épisodes. C'est comme des nouvelles, en fait. D'accord, très bien. C'est-à-dire, on parlait la dernière fois d'American Horror Story. D'accord. Et voilà, là, c'est exactement pareil. Il y a beaucoup de séries maintenant qui traitent de ces thématiques. Il y a Mr. Oui. Robot aussi qui a fait un peu parler sur un pirate informatique, etc. Il paraît que c'est des séries de plus en plus renseignées. Et donc, par contre, je n'ai pas vu la série Black Mirror, mais j'ai lu un article dessus, et un article sur l'informatique qui mentionnait Black Mirror, comme quoi ils avaient aussi presque prévu pas mal de dérives et de choses possibles au niveau de l'informatique et tout ça. Donc mais même sans si... parler vraiment d'informatique pure et dure, enfin, si on prend le premier épisode de Black Mirror, mm-hmm. il s'appelle Chute Libre, et en fait c'est l'histoire d'un monde, en fait c'est dans un futur proche où en fait tout le monde est noté en permanence, c'est-à-dire que tu vas acheter un café au Starbucks, si le vendeur te semble sympa, hop, tu peux lui mettre 5 étoiles, si tu te sens que c'est une merde, tu mets 0, etc. Et du coup les gens quand ils se croisent dans la rue et tout, arrivent à voir, ah lui c'est un 2,5 étoiles, ah lui c'est un 5 étoiles et tout. C'est quasiment... Mais c'est déjà un peu ce qui se passe maintenant. Quand tu vois quelqu'un sur Facebook qui a 3 amis, tu vas dire, oh bah lui, c'est un tocard. Voilà. C'est tout simplement grossir le trait de ce qui Exactement, est déjà c'est le cas. Ça. Ouais, c'est ça, c'est vraiment insister sur les dérives, grossir le trait. Là. Mm. Après là, dans cet épisode-là, c'est vraiment celui qui est le plus proche actuellement. Et du coup, c'est vraiment l'histoire d'une personne qui est complètement à la dérive et qui veut juste avoir des étoiles en plus. Et qui fait tout pour, et tu la vois dans les états dans lesquels elle se D'accord. met, etc. Et voilà, et c'est très intéressant. Ça donne envie en tout cas. C'est vraiment très très bien. Donc voilà, j'ai pas forcément été très clair sur la chronique. Je vous ai pas aidé, pour être honnête. Je pense que ça a été plutôt clair. Claire, je sais pas. En tout cas, j'espère qu'aucun spécialiste de DNS, donc on peut rappeler l'acronyme de DNS, les Dauphins Nautiques Sodomisés. Exactement. Ne tombera sur cette émission un jour. Mais par contre, j'espère en tout cas avoir donné. Mais après, envie moi, j'avais aussi auditeurs. Les Dalmatiens Nantais Solitaires, mais je sais pas si ça marchait. Il y avait aussi les Diplodocus Naturalisés Somaliens. Et ceux-là, on n'en parle pas souvent. On en parle mais il y a assez. Une grosse polémique en 96 avec Bernard Cazeneuve là-dessus. Allez-y. Ça m'a déjà beaucoup intéressé, votre chronique. Ça m'a donné Merci. Vraiment envie de regarder Black Mirror. Ce que je vois, c'est très, vraiment, très bien. On en parle tout le temps. C'est très très bien. On en parle énormément. C'est très très bien. En plus, si j'ai bon souvenir, la dernière fois vous disiez que vous aimiez pas trop vous lancer dans les séries, bah là c'est comme lire une nouvelle. Là c'est, on dit pendant 50 minutes, on regarde ça. Si tu regardes pas la suite, c'est pas grave, c'est du one shot. Si tu prends le troisième épisode de la saison 3, tu t'en fous si t'as pas vu tous ceux d'avant, c'est pas grave. D'accord. C'est vraiment voilà. En plus, j'ai la chance d'être abonné Netflix, donc j'ai vu que c'était affiché. Donc ça doit y être. Donc je regarderai ça avec plaisir, mon cher Jean-Bierre. Merci beaucoup. Maintenant on va passer. Et je demande énormément d'attention et limite un roulement de tambour. Qu'est-ce qui se passe ? Oh là là là là, vous n'imaginez même pas. Qu'est-ce qui se passe ? Vous n'imaginez même qu'est-ce que c'est pas. Je sais pas ce qui me concocte. Une nouvelle chronique totalement folle. C'est une chronique à moi ? C'est une chronique à vous, Richie Booz, qui s'appelle, écoutez-moi bien, je me suis entraîné pour la prononcer, le Quizy Quiz. Merci à tous. Jingle, jingle musical, Quizy, Quizy, Quiz. Le Quizy Quiz de la cuisine. Jingle sans filet. Parce que je sais que vous aimez manger, Jean-Bierre. C'est vrai. Vous aimez la nourriture. J'adore ça. Alors, je vous ai préparé un petit questionnaire de qualité sur la cuisine, sur l'amour de la nourriture, tout simplement, et un peu, peut-être, apprendre quelque chose. Je me suis dit, on n'a pas de quiz. Enfin, on a des sortes de quiz un peu, mais là, c'est vraiment on un a quiz. Des petits quiz un peu. C'est 5 questions, et si jamais vous répondez à 5 questions correctement. Oh là là. Attention, c'est des vrais ou faux. Je ne vous ai pas trop compliqué la tâche. Très bien. Voilà. Plus la 6e mystère. Ouf. Et là, vous aurez un cadeau. Vous imaginez même pas ce que c'est. Cadeau mystère. Est-ce qu'on pourrait mettre une petite ambiance mystère ? Ah, mais bien sûr. Je complexifie un petit peu le montage audio pour Richie Booz qui s'en charge. Est-ce qu'on pourrait rajouter un petit. Oui, un c'est petit... ça ne m'arrange pas. Voilà. Allez-y. Allez, alors c'est parti, je vous redemande le re-jingle. Cuisi, cuisi, cuisi, cuisi, cuisi, cuisi, cuisi, cuisi, cuisi, cuisi. Ça s'arrête jamais ? Cuisi, cuisi. C'est très bien, parfait. Trillions d'amis. Je le connais pas encore par cœur. Alors, venir. Première question. Allez. Nous sommes en Grèce. Les athlètes grecs pendant les Jeux Olympiques, quand ils commençaient à faire les JO. Vaseline. Non, pardon, c'était pas de la lutte. Ils mangeaient quelque chose pour se mettre en forme. Ils mangeaient des oignons, vrai ou faux, Jean-Bierre. Vous pouvez un peu poser des questions, vous pouvez réfléchir, vous pouvez interagir. Je vous demande pas de répondre tout de suite. Je vous demande en fait, j'ai envie que le public rentre dans les mystères de votre intellect, dans les mystères de votre cerveau. Ils vont pas être déçus du voyage. Et que vous parliez de votre démarche. Prenez un guide du routard et votre meilleure banane. On de votre démarche parti. Intellectuelle. Comment ça, vous dites dans les JO, c'est-à-dire pour l'intégralité des sports, pour se mettre en forme, ils mangeaient des oignons, voilà, c'est ça ? Durant l'Antiquité, les sportifs aux Jeux Olympiques mangeaient-ils des oignons ? Avant de se mettre en route, quoi. Mais bref, pourquoi ils mangeraient les oignons ? Dans quel intérêt ? Bah, dans un intérêt physiologique, un truc. Physiologique pour eux. Ok, bah, d'accord. J'imagine qu'ils. Peut-être. C'est assez compliqué de poser des questions sur un thème aussi improbable que celui-là. Bien sûr. Mais après, c'est vrai ou faux ? Moi, écoutez, connaissant votre goût pour les histoires vraies, hein, avec ces deux films que vous nous avez présentés. Attention, vraiment juste, hein, si vous vous trompez, c'est fini, hein, pas de cadeau. Oh non. Bon, c'était trop dur, 5 sur 5. Je vous dis 3. Allez, 3. Un peu mieux que la moyenne, comme vous à l'école. 12 en tir à l'arc, c'est pas mal. 12 en tir à l'arc, c'est pas mal. J'en viens. Alors, selon vous, ils mangeaient de l'ail ou ils mangeaient pas de l'ail ? Tiens, oui. Non, ils mangeaient pas d'oignons. Et je viens de vous le dire, ils mangeaient de l'ail. Ah, bon, d'accord. J'en viens. Oui, je sais, mais c'était difficile de poser des questions en plus. Vous imaginez un petit peu les dégâts ? Ben oui, mais on est en Grèce. La laine pendant le marathon ? Oui, et ce qu'il en suit derrière ? Ah, vous voulez dire, je vous avais fait un geste avec votre main ? Je voulais dire le trou fumant. Le trou fumant aillé. D'ailleurs, je vous ai proposé tout à l'heure de mettre une gousse d'ail dans votre trou fumant. C'est vrai. Allez-y, continuez. Alors, deuxième histoire, nous sommes en Belgique de voir ! Un homme belge a fait la une de France Soir pour avoir volé et tué pour s'offrir des moules frites. Vrai ou faux ? Oh putain, c'est tellement con que j'ai envie de dire vrai. Bonne réponse, Jean-Pierre. Oh là, c'est et vrai. Vous savez que c'est vrai parce que vous-même qui êtes obèse, comme on le sait, je vous ai déjà vu agressif devant un vendeur de kebab quand même. C'est pas faux. On n'est pas loin. Que, d'ailleurs, on n'a jamais retrouvé son cas. On n'est pas loin de l'agression des on fois. On a retrouvé ses babouches. Puis, quoi ? J'ai rien dit du vous tout. Vous avez dit on a retrouvé ses babouches. Si vous avez dit ça, Jean-Pierre. Vous me rappelez les heures les plus sombres de notre histoire, Jean-Pierre. C'est-à-dire la Mésopotamie ? Non. J'étais très mauvais en histoire. Ça s'est passé en quelle année ? Alors, troisième question. D'accord, on voit le sujet préparé. C'est des questions plus ou moins, je suis pas sûr tout le temps de la véracité. D'accord. Ok, d'accord, on sent les trucs chopés sur le Gorafi. Ah non. Ne levez pas votre doigt comme ça, pas... Richie, vous ne m'impressionnez pas le moins du monde. Pour vous donner, pas un indice, mais une information de la façon dont j'ai préparé cette chronique, je n'ai pas allumé mon ordinateur pour la préparer. Vous n'avez pas d'ordinateur, Richie. Je ne pouvais même pas avoir d'électricité pour la préparer. Vous avez quand même pas préparé cette émission dans le RER en venant. Il y a une variété de poire qui s'appelle la blanquette à longue couille. Vrai ou faux? La blanquette à longue couille. Vous imaginez, vous allez au marché. Bonjour, monsieur Jambert. J'ai reçu les belles blanquettes à longue couille. Ça vous plaira bien. Elles sont fraîches, elles sont juteuses. Comme vous, mon Jambert. Viens croquer dans ma... Viens croquer. Quelle origine? C'est une poire européenne. Européenne, c'est pas une origine. Si, c'est une origine. Mais il n'y a pas de pays de privilégiance. Utérus étroit. c'est ça. Alors, Jean-Pierre, elle existe ou quoi la variété de poire qui s'appelle la blanquette à longue couille? Je suis aussi tenté de dire oui. Non, Jean-Pierre, elle s'appelle la blanquette à longue queue. Oh. Parce que la queue de la poire, enfin. Mais oui. Bon. Là, en gros, vous n'avez plus droit à l'erreur. Il reste deux questions. Il reste deux questions. Okay. Vous concentrez. D'accord. Donc, je dois toujours dire oui. L'homme politique du 19e siècle, Léon Gambetta, donc qui a donné son nom à toutes les rues que nous avons. Et beaucoup de places aussi. Hein. Peu importe. Voilà. La question, il est mort d'une overdose de cassoulet. Vrai ou faux, Jean-Pierre? Quiz. De faire le lien entre les questions que vous me posez et le nom de la chronique. Très très bien. Vous n'avez pas compris. Quizy quiz. Non, mais pas quizy quiz. Je sentais que ça. Oh là là. Oh la tristesse. Non, c'est non. Alors, donc vous avez bon. Ah, ouais. Parce que je sais pas. J'ai pas pu vraiment. On prépare vraiment très bien nos questions, hein. Ah, les mecs très très j'ai forts. Pas pu vraiment trouver la réponse parce que on raconte qu'il est mort d'une overdose de cassoulet. Mais non, c'est impossible. Bah si. Il était toulousain, le gars. Non. Bon bah alors. Bah il mangeait du cassoulet ailleurs. William Serin. Bah peut-être. Genre au Maroc. Mais on sait pas. Il est peut-être mort. Donc peut-être mort d'autre chose. D'accord. Donc vous avez bon. En fait, dernière question. Et là, vous avez pas le droit à l'erreur. C'est à l'erreur. Le hot dog en Chine est préparé avec un vrai chien qu'on fait chauffer. Vrai ou faux, Jean-Pierre? Je peux pas croire ça. C'est... Non, mais non. Attendez, c'est pas... Non, mais non. Vous en pensez quoi, vous? Bah, moi, je sais, je connais la réponse, hein, mais... Oh, non. Le hot dog en Chine est préparé avec un vrai chien. Non, mais non. Non, c'est impossible. C'est faux? Ouais. C'est une bonne réponse, Jean-Pierre! Et donc, la sixième question. Oh, là, l'ultime, la mystère, musique mystère. Du régisseur. Musique mystère, mais avec une touche de funky. Ouais, déjà, et une gamme de la. D'accord. Merci beaucoup. Et donc, la question mystère, pour votre très cadeau. Quelle était la question numéro 2, Jean-Bierre? Oh, bâtard. Vous avez 15 secondes. Oh, putain. Oh là là, non. Malheureusement, Jean-Pierre. Oh, joli. C'était un homme belge a oh, fait putain, la une de François pour avoir volé et tué mon épaule frite. Je suis désolé pour cette chronique, Jean-Pierre. sommes de retour, de mon cher Richie. Alors, vous allez bien? Bah, ça va très bien. Comment moi, se passe cette émission pour vous? J'ai envie d'avoir un petit peu. Je suis très heureux parce que j'ai vraiment l'impression que mon Cuisy Quiz a été un franc succès. Ah oui. Et donc, je suis vraiment heureux, quoi. En effet. Parce que vous imaginez pas les mois de travail, les années de travail. Enfin, à la maison, il y a les gosses, ils ont travaillé dessus aussi. On a fait partir toute la famille pour ça. Puis bon, bah, quand ça réussit après, on est content, quoi. C'est la larme à l'œil, c'est une franche réussite. Bah, oui, voilà, je pense c'est que ça. Le dire. En effet, en effet. Est-ce que... Ah, puis bon, si les gens ils peuvent apprendre un petit quelque chose aussi, ben c'est bien, quoi. Hein. C'est vrai, les gens, je pense, ont appris un petit quelque chose. Qu'est-ce qu'en a pensé votre femme, Richie? Bah, je sais pas, elle écoutera l'émission. Oui, et puis elle n'existe pas, surtout. Allez, on continue. Oh. Je vais... Je répondrai pas, vous savez pourquoi? Parce que c'est trop cruel. Parce que c'est trop vrai. Alors, on va passer à ma deuxième chronique qui, je pense, est très très mal intercalée dans l'émission, qui aurait dû venir en tout début, voire même en intro, voire même on n'aurait peut-être pas dû la faire. Mais du coup, je pense que vous pouvez vous en prendre à la personne qui a fait le conducteur. C'est-à-dire Pascalino. Pasqualino. Pasqualino, pardon. Mais non, pourquoi vous sous-estimez pas Jean-Pierre? Pas du tout, pas du tout. On va passer au moment... Au carte à puce, l'invention de la carte à puce. Alors, c'est un français, hein, vous savez, c'est un français qui a inventé la carte à puce, et c'est grâce à cette technologie qu'on a la technologie moderne pour payer sans contact et à distance. Directement, votre paiement est soustrait de votre compte bancaire. C'est ça, genre bien. Ah, très, c'est cool, bien. C'est stylé. C'est exactement ça. Non, pas du tout. On va passer, et là, je vais vous demander le jingle qu'on a préparé ensemble avant l'émission, qui s'appelle le moment coup de cœur de Jean-Pierre Bernaud. Très bien, vraiment très bon jingle. Merci beaucoup. Ah bah oui, bah écoutez, ça fait plaisir. Oh bah j'attendais un signe. Alors, je vais revenir justement bah sur zoo, un alors. Petit peu. Un peu d'humour, zoologie. Vous savez que le premier titre de notre émission, pour ceux qui ne l'ont pas écouté, c'était Zoologie et trou fumant. Oui. Et bah, je sais pas quel titre aura la seconde, mais c'est l'embarras du choix. Là. Ça sera surtout, à mon avis, l'embarras tout court. Ce qui va se passer, je vais vous parler de mes coups de cœur, je pense qu'on peut le dire. Mais allez-y franchement, Jean-Pierre. J'ai vu... Je saurais vous écouter avec passion et sans vous juger. Dernièrement, le dernier court-métrage de Pixar, dont je voulais un petit peu parler parce que j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Donc en fait, ça va être ça, hein. Ça va juste être des trucs que j'ai vus, j'en ai sélectionné 5. Donc voilà. Je vais pas trop m'attarder dessus parce que ça n'a que très peu d'intérêt au final. Mais vous, en tout cas, vous le vendez bien, Jean-Pierre. Oui, bah, j'ai commercial. Mais je l'ai pas vu, je savais même pas qu'il y avait un court métrage Pixar. Un court métrage, bah si, parce que là il y a le monde de Dory qui est sorti, qui fait suite au monde de Nemo, Baloo. Moi j'ai vu le dernier film que j'ai vu. Alors si c'est pour tout ramener à vous-même, Richie, c'est pas la peine de venir. Arrêtez de jouer avec votre sucette géante. Alors c'est pas mal, c'est un mec qui élève donc ses enfants dans la forêt. Allez, j'ai coupé votre micro, plus personne ne vous entend. Le dernier Pixar, donc c'est un court-métrage. Ce court-métrage-là a évidemment été réalisé par Alan Barilario, qui est le mec qui a réalisé Wall-E, Les Indestructibles, mais également Le Monde de Nemo, bien évidemment, et c'est là que ça fait sens. Et en fait, c'est l'histoire d'un petit bébé mouette qui... oui, vous avez, enfin, vous l'avez pas vu, mais c'est extrêmement mignon. En fait, qui a peur des vagues, et parce que les bébés mouettes naissent sur la plage et puis ensuite doivent aller dans l'eau chercher de la nourriture, etc. Bien sûr, bien sûr. Et il a très très peur des vagues, il a été un petit peu traumatisé par ça, etc. Oui, vous voulez intervenir. Ah oui, non, mais du coup, ce n'est pas sorti au cinéma, ça. On n'a pas pu le voir. Le Monde de Dory, il est sorti. Mais le court-métrage. Ah, ben il est sorti sur Internet. Donc voilà, c'est ça. S'il est sorti sur Internet, il est sorti au cinéma. D'accord. Voilà. Donc voilà, et bref, tout ça pour dire qu'en termes d'animation, tout ce qui est l'eau, le reflet de justement du soleil sur l'eau, etc., les mouvements du sable, les mouvements de la végétation, etc., c'est un petit D'accord. bijou et c'est vraiment extrêmement bien fait. Et c'est aussi extrêmement mignon. Et vous connaissez mon côté fragile. Qui adore les mouettes. Voilà. Vous voulez nous rappeler le titre, du coup? Le. je ne vous l'ai pas dit. Je voulais pas vous mettre dans l'embarras. Il s'appelle. Donc vous avez à faire une équipe de pros avec nous. Vous êtes en train de bonne main. Régalez-vous. Il s'appelle Pixar. Pixar. Pixar. Exactement. Magazine. Exactement. Pixar Magazine, le dernier Pixar. L'autre petit coup de cœur, j'ai été voir le One Man, comme disent les jeunes, le seul en scène de Kian Kojandi qui s'appelle Pulsion. D'accord. Et qui est excellent, qui a été coécrit avec Bruno Musio, j'arrive jamais à prononcer son prénom, avec Navo, le mec qui a coécrit Bref aussi. Et voilà, donc j'ai été voir ça avec mes parents, donc voilà, petite gêne un petit peu, hein, ça parle un peu de sexe. C'est toujours ambigu d'aller voir un spectacle humoristique avec ses parents. Vous n'êtes pas fait attraper par Kian Kojandi, il n'appelle pas des gens dans le public, machin. Lui, il vient avec ses parents, il a une casquette pourrie, il est obèse. Si, évidemment, ça m'est arrivé, c'est pour ça que j'ai pas vu la fin, je me suis barré avant. Ah, cool. Voilà, j'ai aussi vu une compagnie d'acrobates qui s'appelle la compagnie XY et qui ont fait un spectacle qui s'appelle Il n'est pas encore minuit. Voilà, et c'est très impressionnant. Vraiment, c'était très très hallucinant. C'était un peu comme le plus grand cabaret du monde, mais en vrai. Donc, c'est pour vous dire le niveau d'impressionnance. Et n'hésitez pas à m'interrompre, Richie. Je me vois complètement perplexe. Oui, non, mais parce que, en fait, moi j'étais resté sur le spectacle de Kian Kojandi. Ah, pardon, j'ai été un peu vite. Et je voulais savoir à peu près. Allez-y, posez des questions, n'hésitez pas. Déjà, où ça se jouait ? Est-ce que ça se joue encore si... Ça se joue encore, justement. Ils ont fait les prolongations à l'Européen, donc près de la place Clichy, pour les amis auditeurs qui connaissent Paris. Et ça se joue également sur la plaine, près de la statue, pour nos amis auditeurs qui connaissent Pontivy. D'accord, la plaine, il y a tous les secs pas. Voilà, exactement. Et donc, il aborde quelle thématique dans ce spectacle ? Ben justement, il aborde toutes les pulsions que nous, les hommes, mais plus largement les êtres humains, avons. Donc, ça peut être à la fois le sexe, à la fois notre phobie de la mort. Par rapport à... c'est le titre du spectacle, c'est pour ça. Oui, en fait, exactement, c'est ça. Vous êtes perspicace, un peu comme moi tout à l'heure, avec le Quizy Quiz. Oui, voilà. C'est ça. Exactement. D'accord. Donc, voilà. Et les acrobates. Et en fait, c'était tellement bien écrit, le spectacle du Kian Kojandi. Vraiment, là, sérieusement, c'était assez hallucinant. C'est-à-dire que le gars va te sortir une blague qui va te faire rire sur le coup, mais surtout qui va réussir à récupérer cette blague quelques dizaines de minutes plus tard pour te le mettre dans un contexte différent. Et où là, où tu vas encore plus chialer de rire, parce que t'es là, putain, mais c'est encore plus vrai, et ça prend encore plus sens. Et c'est... Non, c'était vraiment... Et très, donc, c'est tout âge que vos parents ont ri aussi. Et mais voilà, mes parents ont ri aussi. En plus, d'ailleurs, c'était très drôle, parce qu'il a fait quelques blagues, par exemple, sur Instagram ou ces trucs-là, et Kian Kojandi disait, c'est bien, si vous rigolez pas à cette blague, c'est que vous êtes trop vieux. Et je voyais mes deux parents à côté de moi qui ne rigolaient pas. Oui, parce que donc vous avez 37 ans, et voilà, vos parents ont respectivement 88 et 94 ans. J'ai 47 ans. 37 Non, 47. Ah mince. Oui, 47. J'ai 47 ans. J'ai 47 ans. Ah bah vous les faites pas. Vous faites 46, merci, quoi. Malgré toute cette abondance de gras saturé, comme vous l'avez dit. Tout à fait. Dans votre émission. Voilà. L'autre spectacle, je voulais en parler parce que c'est pas quelque chose que je vais voir souvent, c'est justement La Compagnie d'Acrobates. Voilà. Donc j'en ai parlé, c'est très impressionnant. Ça se passe avant minuit. Exactement, il n'est pas encore minuit. 23 acrobates, donc c'est vraiment assez fou. Une musique magnifique, une chorégraphie de fou. Et c'est que vraiment de la voltige, etc. Donc des gens qui sautent avec des bascules à des mètres de hauteur. Hein, ça doit être incroyable. C'est hallucinant. Donc il y a. Est-ce qu'il y a des petits caniches qui sautent sur des plots là ? Non, ça, j'ai dit des voltiges. Alors, j'ai pas dit les guignols, quoi. T'as dit, pardon, vous avez dit quoi ? Ça fait un caniche à voltigeur. Oui, mais non, il n'y a pas ça. Et d'accord. Justement, je voulais presque en venir là, Richie, c'est-à-dire que en fait, j'ai été voir, en préparant cette chronique, évidemment, que, comme vous l'entendez, est extrêmement sérieuse, que dans la voltige, en fait, il y avait énormément de spécialités. Il y avait donc les voltigeurs ou les voltigeuses, il y avait évidemment les porteurs, il y avait ceux qui faisaient les équilibristes, il y avait aussi ce qu'on appelle les mains à main, donc les gens qui arrivent à tenir... Les porter, tout ça. Main à main, sur des périodes très très longues. Il y avait aussi... L'entre-deux-guerres. Voilà, exactement, période très très longue, un petit peu comme le micro-ondes. Comme votre chronique. Allez-y, j'en viens. Là, Pasqualino, c'est Pasqualino qui a parlé. Pasqualino qui je me désolidarise totalement de c'est, ça. C'est le traducteur de Pasqualino. Pasqualino est incroyable ce soir. Je termine. Et en tout cas, moi, j'en viens, je tiens à vous dire pour l'instant, les trois, je vais aller les voir. Les caniches qui font du truc. Le spectacle pour les personnes âgées, je vais aller le voir. Et puis, je sais même plus ce que c'est le premier. C'était le film. Mais non, c'était le film belge mouettes, qui avait tué son épouse pour un moule frites. Le film sur les mouettes. Non, bon, vous avez passé un beau week-end, j'en dirais. J'ai pas fini. Alors, on continue. J'ai plus envie. Vous avez l'envie d'aimer, c'est ça qui compte, j'en dirais. Oui, ils ne mourront pas ma liberté de penser. Je voulais parler de la série The Get Down. Une série Netflix. Oui, réalisée par... Bash Luhrmann. Joli. Je suis présent, alors, moi. Là, vous m'impressionnez, Richie. Parce que Bash Luhrmann, déjà, je suis un fan, moi. J'arrive jamais à prononcer son nom et son prénom à la suite. Et en plus, parce que à chaque fois que j'ai parlé à des personnes de Burzburman, vous voyez, voilà, très, très bon exemple. En fait, soit ils le connaissaient pas, soit ils aimaient pas ce qu'il avait fait. Bah, genre, c'était Moulin Rouge, Australia, Gatsby le Magnifique. Bah, surtout Roméo plus Juliette. Et surtout Roméo plus Juliette, c'est que par contre, moi j'ai pas. Mais parce que peut-être vous n'êtes pas un romantique. C'est vrai aussi. Non, c'est bien. Franchement, ouais, mais par contre, moi j'ai beaucoup aimé Gatsby. D'accord, mais c'est un bon. Après, Australia, c'était un petit peu. C'est très très marrant. J'en ai parlé avec un de mes collègues juste avant de partir du travail là. Et qui me disait. Il vous disait ça ? En quelle langue ? Il est vietnamien. Et qui me disait. non, moi j'aime pas trop parce que justement je trouve qu'il y a trop d'images de synthèse, trop de mouvements de caméra un peu gerbants. Oh bah si, évidemment. Bah, moi, donc Gatsby Magnifique, c'est blindé d'images de synthèse. Mais d'accord, mais Moulin Rouge, c'est Moulin Rouge. Bon, Australia, c'est Australia. Il y a des images de synthèse dans Moulin Rouge aussi, à mon avis. Non, mais il y a des images de synthèse partout à ce moment-là. Mais oui, mais il y en avait trop, ils trouvaient. Non, mais d'accord, mais c'est pas Superman, quoi. Non, évidemment, c'est pas Superman. Mais c'est bizarre de dire ça en premier, j'aime pas Superman parce qu'il y a trop d'images de synthèse. Que... Apparemment, vous aimez vraiment pas Superman, quoi. Vous êtes allergique. Comme moi, c'est marrant parce que je crois qu'on est au moment de l'émission où la première émission j'éternuais. On devient allergique à l'alcool. À la vie. À la vie, je pense qu'on peut le dire. Et dernier coup de cœur, mais alors ça, je sais que ça va tellement pas vous parler que je vais très vite passer dessus. C'est le dernier album de Wax Taylor que j'ai vraiment beaucoup aimé. D'accord. Et surtout. Mais je vous remercie de me mépriser comme ça. Hein. Mais vous aimez pas ce genre de musique, Richie. Mais vous aimez... Qu'est-ce que vous connaissez de Wax Taylor ? Est-ce que vous aimez bien Bah, j'aime bien. Pour moi, c'est de la musique un peu électro. Ça sample pas mal. Il y a de la wax, il y a de la cire. Donc c'est cool, quoi. Très bien, ok. Je ne savais pas. En tout cas, il y a des featuring très importants. Notamment Charlotte Savary qui était présente sur nombreux de ses autres albums et qui a une c'est voix un magnifique. Charlotte, ouais, c'est un homme, ouais. C'est vrai ? Mais non, Charlotte Savary. Mais vous avez dit il a été présent, c'est pour ça ? Qui, elle, a été présente. Ah, c'est pour ça que je me suis trompé, albums. Pardon. Il y a Tricky qui est dessus. Tricky qui fait bah, justement le featuring avec Charlotte Savary. Il y a Tricky et Charlotte Savary. Il y a Ghostface Killa. Alors, comme ça, je ne sais pas si vous dit quelque chose, mais c'est un des membres du Wu-Tang. Wu-Tang Clan. Exactement. Donc, voilà. Je connais. Rashan Ahmad, c'est un mec qui fait du hip-hop sur des instrus hyper jazzy et tout, c'est ultra classe. D'accord. Et la petite nouvelle, enfin il y a deux petits nouveaux, moi Token que j'aimais énormément, qui est un Le combien un... Pardon Le combien Le le 3 C'est lent. Très bon. Token qui est un jeune, très très jeune rappeur d'Amérique, les Américains. Oh les Amériques, comment on dit, c'est toujours un bonheur. Qu'est-ce que ça me manque. Et la petite nouvelle qui s'appelle, enfin petite nouvelle. En tout cas, sur un album de Wax Taylor qui s'appelle Sarah Jane. Jane, je sais pas comment on dit. Jane. Ok, bah, j'arriverai toujours à la placer celle-là. Qui a une voix magnifique. Moi, je dis, elle a été touchée par la grâce. Je cherche un jeu de mots. Non. Non, non. Ok, très bien. Voilà, c'était la rubrique coup de cœur. Celle-là, je suis pas sûr de la refaire, ou en tout cas pas. Non, mais attendez, alors, détrompez-vous. Parce que je trouve que c'est très intéressant. C'est très intéressant parce que j'ai essayé. Enfin, c'est très intéressant parce que non. Vous trouvez ça intéressant enfin, Non, mais je trouve que c'est une bonne idée parce qu'on découvre. Moi, j'ai envie bah, voilà. d'aller voir en le fait, spectacle de Wax Taylor avec de les Caniches. De cinéma, de Caniche, bah, oui. Voltigeur et de musique. C'était un peu. J'avais envie de faire ça durant un cette émission. Un petit mélimélo. Un petit fréchti, on l'a dit l'autre fois. Folie de la station. Folie de la station. Jean-Pierre et Robert, Noé, Richie. Et maintenant. Pour votre plus grand plaisir. Et oui. On n'en a pas fait durant cette émission. Mais justement, mon compère Richie s'en est chargé pour moi, me préparer, et à vous aussi, un petit son du futur. Exactement. C'est-à-dire que je m'inspire des plus grands. Je m'inspire des plus grands et j'ai donc choisi de moi me lancer dans le son du futur et de vous faire écouter un son qui, pour le coup, sans me vanter, et c'est aussi un petit indice que je vous donne, porte bien son nom de son du futur. Alors, je vais vous faire comme d'habitude, puisqu'ici, on est un petit peu à l'ancienne, on est un petit peu une start-up. Maison, une start-up, hein, un truc artisanal. Une start-up du podcast. Donc, je vais vous faire écouter tout de suite ce son, et vous pouvez commenter en direct ce que vous en pensez, ce que vous ressentez. Est-ce que les auditeurs vont l'entendre aussi ? Bien sûr que les auditeurs vont l'entendre. Petit clin d'œil, petite référence. En penser pour l'instant je peux me concentrer. Est-ce que vous pouvez monter un petit peu, ça va être chiant pour monter la chose. Oh c'est bon. Alors, est-ce que vous avez des choses à dire un petit peu? Qu'est-ce qui vous passe par la tête? Je n'entends rien ce que vous dites. Vous avez des choses qui vous passent par la tête un petit peu des... Non, j'ai des coups de mal parce que c'est très, très différent de ce que moi je vous ai passé, parce que là c'est carrément une musique. Oui, tout à fait. Est-ce qu'elle vous fait penser à quelque chose cette musique? Non, j'ai l'impression d'être dans un... Justement, au contraire du futur, j'ai l'impression d'être dans une... Par exemple, un générique... Est-ce que ça vous ferait penser à un groupe? Oui, un groupe, ouais. Ah ouais. Oui, oui, carrément, complètement, un groupe. Quel groupe? Je sais pas, je dirais un groupe un peu sur la côte californienne des États-Unis, quelque chose de ce style-là, genre... C'est assez perturbant. Genre, en plus des groupes californiens, si, il y en a quelques-uns. Il y a du Green Day, il y a du Weezer, c'était californien. Je sais plus. Alors, je vous laisse poser vos questions à présent. Très bien. Donc déjà, assez déroutant par rapport au son que j'avais passé au dernier épisode, mais très très intéressant. La question. Alors du coup, j'imagine que vous devez répondre par oui ou par non. Bah allez-y, posez vos questions. Parce qu'en fait, j'aurais aimé savoir de pourquoi c'était intitulé Son du futur. C'est un son un peu surprenant qu'on n'arrive pas à identifier tout de suite, mais je veux dire, comparé à ce que moi j'avais proposé la dernière fois, c'est là pourquoi, pour moi c'est un pourquoi groupe. Son du futur? Parce que j'imagine que ce type de musique pourrait se multiplier à l'avenir. C'est une sorte de prototype qui pourrait à l'avenir devenir quelque chose de récurrent. Est-ce que c'est pas le premier morceau fait par un robot? Oui, monsieur. Oh là là. Et quel morceau? Bah justement, je vous disais quelque chose un peu californien. Moi, ça m'avait fait penser au Red Hot un petit peu, mais... Alors, c'est en fait... Là, je vous accorde la bonne réponse, Jean-Vier, parce que vous êtes fascinant. Vous êtes un dieu pour moi du son du futur. En même temps, c'est votre chronique. C'est le premier morceau composé par une intelligence artificielle c'est ça. Qui s'appelle Flow Machines. Okay. Donc, c'est l'intelligence artificielle qui s'appelle comme ça. Et c'est un laboratoire une dépendance de Sony Music. D'accord. Qui est basé à Paris. Et donc, c'est une musique, vous n'avez pas tout à fait reconnu le groupe. Enfin, alors, à la fois, ce n'est pas de votre faute, c'est à la fois aussi, peut-être, on va en parler après, de l'échec de cette intelligence artificielle. Ça a analysé une cinquantaine de morceaux des Beatles, représentatifs de leur style. Pour essayer de faire quelque chose qui pourrait ressembler un petit peu à ça. Mais maintenant que vous le dites, après, je suis très très mauvais pour reconnaître des groupes de musique, mais maintenant que vous le dites, en effet. Et donc, ils ont créé cette nouvelle musique, cette nouvelle chanson qui s'appelle Daddy's Car. Ok. La voiture à papa. La voiture. Non. HD sur Scar. Apostrophe. Oui, pardon. Ça aurait été trash un petit peu. La grosse cicatrice à papa. Bien, je vais te montrer ma cicatrice. Appelle-moi la cicatrice à papa. Et donc. La voiture à gage. Et il y avait déjà eu des tentatives, en particulier de Google, je crois. Il me semble qu'il y a eu ça avec un scénario de film il y a peu. Ouais. Et je suis pas sûr de ce que j'avance, mais il me semble qu'il y a quelque chose dans ce style-là. En fait, ils ont essayé sur justement un morceau comme ça. Analysé. Et il me semble qu'ils ont essayé aussi sur un scénario de film, ouais. Ouais. Après, bon, vous pensez selon vous que ça peut dépasser, qu'on pourrait faire des albums complets? Jamais. Jamais. Je dis jamais, c'est peut-être un peu rétrograde de dire ça. Après, d'un autre côté, j'ai 47 ans. Mais même moi, rétroviseur. Pardon? Même rétroviseur. Regarde dans le rétroviseur. Merci Jean-Pierre. Aucun soutien. Zéro soutien.com. J'ai pas compris cette intervention. Parce que rétrograde, regarde en arrière, regarde dans le rétroviseur. Côté, vous allez beaucoup trop loin pour moi. Non mais après, moi j'imagine. En fait, ce que je veux dire. Allez-y. Parce que je n'ai pas vraiment répondu à la question que vous m'avez posée. Je vous en prie. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, la chaleur. Non mais je veux dire d'un groupe de musique qui cherche à produire quelque chose ensemble, à créer quelque chose ensemble au fin fond de la cabane du jardin de la grand-mère par exemple, ne sera jamais équivalente à un mec tout seul qui va juste dire à son ordi, tiens, je veux une chanson sur ce thème-là. Alors après, vous pouvez me dire, ah oui, mais pourtant, un mec tout seul qui dit à son ordinateur de faire ça, ça pourrait être un DJ. Non, parce que les DJ, pour moi, c'est la création. Voilà, il y a quand même une création humaine et qui fait appel au sentiment. Moi, je suis d'accord avec vous sur ce point-là. Seulement, je pense que ça va arriver dans le sens où je suis quasiment persuadé que dans 10, 15 ans, peut-être moins, on aura on a des compiles post-mortem d'artistes donc décédés. On renoue sur des vieux trucs, je suis sûr qu'on aura des sortes d'inédits robotiques des Beatles qui vont être composés par des ordinateurs mais rejoués par des vrais groupes pour donner justement le côté chaleureux, le côté un petit peu acoustique. Les ordinateurs ont engrangé comme une espèce d'énorme banque de données. Et on va nous ressortir des albums dans le style 2, le style 2. Ça, je pense que ça, c'est ça arrivera. C'est possible, en effet. Et c'est possible, mais ça m'attriste un petit peu. Ah oui, c'est un peu triste, mais... Parce que du coup, il y a un peu ce côté mémoire souillée, quoi. Il y a ce côté mémoire souillée. Après, on peut avoir peur en se disant que c'est un peu, le fondement de l'homme, cette création-là artistique, que le robot n'aura jamais. Mais c'est toujours vrai, puisqu'il se base toujours... sur un groupe qui a préexisté. Complètement. Mais ils ne vont jamais inventer quelque chose de neuf. On ne va pas faire des robots qui vont se baser sur ce que les autres robots d'avant ont créé. Sur les courants musicaux et pour créer un nouvel. Exactement. C'est certainement. Ça. Mais peut-être, ça arrivera. Mais est-ce qu'on n'est pas que des robots, Pasqualino ? Oui, Pasqualino, certainement. Mais après, je pense qu'on est avant tout des êtres humains et qu'on compose avec notre vécu, avec nos choses. Un robot n'aura jamais... Je pense qu'un robot, Jean-Bierre, se basera toujours sur notre expérience à nous, sur les données qu'on lui donnera. Donc, il sera toujours dépendant de nous. Ce sera toujours nous qui créerons à travers lui. Oui, c'est possible. Après, est-ce que justement, on parle toujours d'une espèce de dystopie comme ça, où c'est les robots qui vont créer leur propre intelligence, leur propre sensibilité, leur propre référence, etc. Moi, personnellement, je n'y crois pas. Après, j'ai l'impression de plus en plus de chercheurs, ou en tout cas de scientifiques, qui se penchent sur le sujet et qui disent qu'un jour, ça arrivera. Moi, j'y crois encore. On est vivant tant qu'on est vivant. Into the good night, all it should burn rough, close of day. Rage, rage against the dying of the light. Because these men and not is right. Because they roll out for good lighting, they do not get gentle until the good night. Good minds alone, we are be crying up bright. They're afraid to bite at them singing Green Bay. Rage, rage against dying of the light. Why men will curse and then sun is flight. Hello to learning within of this way. Do God and God into the good night. On arrive, et oui, sans transition, on arrive. Je suis inquiet, mon cher Jean-Bierre, je suis inquiet. Cette émission s'est déroulée, enfin, comme sur des rails, comme sur des roulettes, un bonheur. Huilé à l'huile. Huilé, percubaba. Petite référence pour ceux qui sont à la statue à Pontivy. Percubaba. Très bien. On va faire une chronique qui s'appelle, en tout cas que j'ai nommée, Les petits défis de Richie. Oh là là, donc rappelons quand même à nos auditeurs que, bien entendu, je ne suis absolument pas au courant de ce qui va m'arriver. On est sur de l'impro la plus totale. Allez-y, je suis prêt. Le premier défi, en fait, c'est donc les petits défis de Richie vont se dérouler en trois étapes, trois épreuves. Est-ce que vous voulez un jingle pour les petits défis de Richie ? J'aimerais bien. Allez-y, jingle. Voilà. Bah oui, mes petits jingles, mais il est bien, non ? C'est vous qui changez les jingles, normalement. Il est bien, Richie. Très bien, très bien. Le premier défi de Richie, attention. Je vais vous citer à chaque fois une personne que je sais que vous la connaissez. D'accord. Et vous allez devoir mon petit côté franco-belge. Yeah. Mais vous allez devoir à chaque fois interpréter, mais en tout cas dire une phrase qui correspond à ce personnage. D'accord. Et vous pouvez le faire avec la voix du personnage. Bien sûr. Vu que vous avez des talents d'imitation assez improbables. Vous êtes prêts ? Oui. Ça va aller assez rapidement. Vous dites juste une phrase, vraiment. D'accord. Vous êtes prêts ? 3, 4. Amanda Lear. J'arrête la scène. Dave. Adam et Dave. Ma prochaine comédie musicale que je vais écrire, Adam et Dave. Régine. Faut les brûler, les petits papiers. Michou, mais oh oui, quelle belle soirée, tout en bleu, quelle belle soirée, venez à Montmartre. Julien Lepers, ah ouais. Stéphane Bern. Alors, bienvenue dans Visite Privée, nouvelle émission de France 2. Le père Fouras, qui est d'ailleurs danseur étoile, c'est vrai, l'acteur qui fait le père Fouras est danseur étoile, et c'est, on l'appelle le queutard de Fouras, qui, oui. Stéphane Rousseau, ah, très bonne émission des recettes pompettes version Québec avec Stéphane Rousseau à regarder, un régal. D'accord, on n'est plus du tout dans la... Non, mais je suis plus dans la référence. Mais c'est très bien. Jean-Luc Lahaye, un doigt dans l'enfant. Papa chanteur, papa violeur, pleure un bébé, pas. Un bébé, tenir un bébé par la main. Non, un enfant, tenir un bébé par le manche. Laurent Ruquier. Laurent Ruquier. Guy Carlier. Laurent Ruquier. Guy Carlier. Guy Carlier, on l'embrasse, il vient de mourir. Il est mort il y a 2 heures, j'en ressors la dépêche AFP. Jean-Pierre Coff. Jean-Pierre Coff, arrête, non, ça me fait de la bière. J'ai appris qu'il était. Ça me fait de la bière. J'ai appris qu'il était aussi de la fanfare. C'est vrai? Ouais. Oui, il s'est déjà tapé une entrecôte, je crois. Et je crois que je l'aime, Jean-Pierre, parce qu'il avait des doubles toilettes chez lui, je crois. Toilettes pour chier à deux. Et ça, je trouve ça trop très classe, bien. Quoi. C'était la première alors, étape. Est-ce que, alors, j'ai pas vraiment, c'est pas vous vraiment ce que pas, vous attendiez. Vous êtes un peu hors sujet. Ah, mais... je... C'est de la merde. C'est de la merde, une fois. C'est de la merde. Mais non, mais c'est pas ça. Mais je peux pas. Jean-Luc Lahaye, comment j'imite Jean-Luc Lahaye? Mais vous imitez pas Jean-Luc Lahaye. Vous en dites, je vais près des écoles. Jean-Luc Lahaye, vous l'avez très bien fait. Vous avez fait une phrase de Jean-Luc Lahaye. D'accord, oui. Voilà, oui. C'était ça. Non, mais j'étais un peu pris au dépourvu. Mais c'est le but. Et c'est chaud, hein. Je vous en ferai un à l'émission prochaine. Non, non, non. Ah si, je vous en ferai un défi de janvier. Alors maintenant, je vais demander à Richie de mettre ce casque. Richie, comment? Richie Booz. Richie Booz, on n'a pas beaucoup dit mon nom. C'est vrai, c'est vrai. Excusez-moi. En fait, c'est vrai qu'on se connaît un peu mieux qu'à la première émission. Jean-Pierre Bernaud. Exactement. Merci, merci, merci. Maintenant, je vais vous passer des génériques de séries. D'accord. Séries télé qui ont bercé votre enfance. D'accord. Vous allez, dans un premier temps, devoir les reconnaître. D'accord. Et ensuite, dans un deuxième temps, vous allez devoir me dire si, quand vous les reconnaissez, c'est que vous les avez sans doute regardés quand vous oui, étiez oui, enfant. Oui, certainement. Et vous allez devoir me dire votre sentiment par rapport à ça. Mmh. C'est-à-dire que moi, d'accord. On me passe, je ne sais pas quel générique, j'arriverai à dire ça, c'est chiant parce que, ou ça, j'adorais et je j'ai vois, fait je ça. Vois. Voilà. Vous êtes prêts? Oui. Alors attendez, parce que pas moi du tout. Si c'est bon, je l'ai. Premier générique, c'est celui-ci. Quand vous voulez. Je sais absolument pas ce que c'est. Si vous allez reconnaître un bruit, ça dure une minute. Je ne sais pas ce que c'est, absolument Jean-Pierre. Pas. C'est vrai, vraiment? Non. C'est incroyable. C'est Loïs et Clark, les nouvelles aventures de Superman. Ah non, non, non. C'est vraiment, vous n'avez jamais regardé ça? Non. Sérieux? Attends, c'est incroyable. Bah, Loïs et Clark, les nouvelles aventures de Superman. Non, j'ai regardé. Mais si, c'était quand c'était joué par le mec qui a terminé en fauteuil roulant, là, et Lois Lane. Non, c'était pas lui. C'était pas lui? Ah non, non, non, vous avez raison, c'est celui qui jouait les films. Même ça, je sais que c'était pas lui. Ouais, ouais, ouais, non, c'est vrai. Non, oui, j'ai et vu. Et Lois Lane qui était joué par... Moi, ça me rappelle des dimanches après-midi pluvieux, ça devait être sur M6. Oui, et c'était sur M6. Mais je regardais, j'aimais pas du tout. C'était pas les dimanches après-midi, c'était tous les soirs vers 18h. Elle avait un tailleur rouge, je crois. Mais ça me plaît pas. Elle changeait d'habit, hein, mais. Et c'était, non, les aux alentours de 18h. Et moi, j'ai une petite anecdote là-dessus. Il faut savoir que j'ai arrêté le basket, parce que je faisais du basket quand j'étais plus jeune. C'est vrai ? Oui, mais que l'entraînement tombait coup, à cet horaire-là. Et du coup, c'est la tristesse, j'avais arrêté parce que j'étais ultra fan de cette série-là. Qu'est-ce qui vous plaisait à ce point-là dans cette mais série ? Mais je sais pas, moi, il y avait le côté super-héros, le côté le mec un petit peu victime au quotidien. Mais en ah, fait, ça vous rappelait un petit peu votre... Voilà. Voilà. Et un petit peu vraiment le et voilà il faut savoir et là je me livre hein. Je me livre un petit peu. Il faut savoir que du coup quand j'étais enfant je me déguisais souvent en super héros et j'étais fan d'un animal qui s'appelait le singe et du coup je l'avais traduit en anglais et du coup mon super héros à moi en qui je me déguisais parce que j'étais aussi fan de Fantomas donc j'avais un bonnet et je m'appelais Monkey Man. Voilà. Voilà, voilà, voilà, voilà, c'était et bien, ça me fait un peu de la peine mais je suis un peu heureux aussi d'en connaître un peu plus sur vous. Deuxième générique. Allez-y. She was working in a bridal shop in Flushing, Queens. Till her boyfriend kicked her out in one of those crushing scenes. What was she to do? Where was she to go? She was out so over the bridge from Flushing to the Sheffield's door. What? She was there to sell makeup, but the father saw more. She had style, she had flair, she was there. That's how she became. Ah, c'est une nuit d'enfer, non? Exactement, une nuit d'enfer avec Miss Frank. Alors, ça me rappelle des dimanches après-midi plus vite. Ça devait passer sur M6, je crois. En fait, ce que je déduis, c'est que tout simplement chez Jean-Bierre, ils avaient perdu la télécommande et qu'ils regardaient M6 tout le week-end. Non. Enfin, si, un peu, quoi. Et non, ça va changer. Et je me rappelle d'un générique, d'un escalier, d'une meuf avec des exactement. Grands cheveux. Et le générique était comment? Le générique, c'est ça qui était très bien. C'était un dessin animé, en fait. Ouais, c'est un peu comme Ma sorcière bien-aimée. Oui, exactement. C'était pareil. Vous êtes prêts? Troisième ouais. Générique, je pense que vous allez le reconnaître assez facilement. J'espère. Pour l'instant, je n'ai pas, mais ça va peut-être venir. Ah mais non, mais c'est encore une série M6. Oui. Je connais pas. Mais ça doit être ça doit être un vieux truc genre The Sentinel ou... Non, c'est le charme. Mais arrêtez avec ça, Jean-Pierre. Mais tiens, mais Alice Sabiano, Challenger Ortiz. Mais arrêtez avec vos séries M6. Mais c'est... Je suis désolé, je regardais que M6. Mais non, je crois mais Ah, putain, merde, les deux autres, c'est M6. Je viens de m'en rendre compte. Je peux pas vous en dire beaucoup. Je crois que chez moi, on regardait pas M6. Hein. C'est vrai, mais Alyssa Milano, vous étiez pas fan de cette meuf-là quand vous étiez enfant. Je sais même pas qui c'est. Une personne magnifique. Alyssa Milano. Oh là là, mais l'actrice de Charm, une des trois sœurs. Je vois, hein, je vois la série. Hein. Prue et. Je sais pas. Mais Jean-Bierre, est-ce que. Enfin, pardon. Hein. Mais vous auriez peut-être aimé que je vous fasse ce quiz. C'est vos séries préférées. Donc, je crois que c'est vous qui avez écrit cette chronique. J'aurais pu l'écrire, me border, vous faire la. Est-ce que vous aviez une petite anecdote sur votre oui, Monkey Man et tout pour Loïs et Clark. Alyssa Milano, quand j'étais gamin, d'accord. Mes premiers sites internet. Et vous pouvez choper des images de cul. Vous avez arrêté le bowling pour regarder Charmed, quoi. Non, par contre, autre anecdote là-dessus, c'est que comme j'avais un internet très bas débit, je cherchais des images de fesses d'Alyssa Milano et je les imprimais et je me faisais des classeurs. C'était le. Ah, mais, voilà. Mais Jean-Bierre, est-ce que vous n'en dites pas trop? Non, oui, oui, je suis bien content que le Jean-Pierre Bernaud soit pas mon. Non, non, il en reste encore deux. Celui-là, vous allez le découvrir. C'est une série M6. Ah, je les ai découverts pour l'instant plutôt, mais je regardais pas trop. Alors. Des tambours, un petit peu un truc non, africain. Attendez, le début est un petit peu compliqué, mais après ça va très vite. Coup de fusil. Après le coup de fusil, normalement, vous reconnaissez. Là, pour l'instant, je ne sais pas. Toujours pas ? Bah attendez, là, ça fait du tambour. En fait. Ah, pardon. Là, c'est vraiment juste après. Chapeau melon vedaguerre. Bravo, excellent, ah. excellent. C'était, c'était un petit peu déprimant aussi. Mais excusez-moi, voilà. Vous aviez une enfance terrible. Bah non, pas une enfance terrible, mais une enfance en race campagne, dans un moment où il pleuvait énormément. Non mais la télé, elle est partout, chez tout le monde. Oui, mais... c'est la même. Hein. Je veux dire, il n'y avait pas de quoi aller non, sortir mais dehors, forcément. Melon. Alors autant, pas ma sorcière bien-aimée, mais une oude d'enfer, tout ça. Oui. Mais chapeau melon et bottes de cuir. Chapeau melon et bottes de Jean-Bien. Cuir, pour moi, c'était le summum de la déprime parce qu'en fait, c'est une série qui passait attendez. Le dimanche. L'instant Jean-Bierre de la déprime. Jingle. Pour moi, chapeau melon et bottes de cuir, c'était vraiment. Ça passait le dimanche vers 15h après Amicalement Vôtre et ça marquait vraiment la fin du week-end. Amicalement Vôtre, ça c'était un bon générique. Mais j'ai failli vous le passer, tain, mais je me suis dit que tain, vous alliez trop reconnaître. Ça, c'était bien. Ouais, ça, c'était cool. Est-ce que vous êtes prêts? Bah oui, pour... bien sûr, mais je m'attends au pire. Là. Ah bah là, série M6, hein, évidemment. Vous êtes prêts? Bah oui. J'ai monté le petit son. Oui, c'est bon. Bah c'est bon. J'entends rien, là. Ah si, c'est bon. Ça, c'est hardcore. Ça, c'est un truc d'espion. Ouais. Non. Ouais. Un peu. Avec un homme qui est le héros, quoi. Ouais, de flic un peu. Ouais, ouais. Qui est un petit peu. Un badass. C'est pas le clown ou un truc comme ça ? Oh, joli. Joli. Que... joli. Joli, joli, joli, joli. C'est évidemment le clown. Oh là là. Max Sanders est le clown. Le clown. Mais. Ta, ta, ta, ta, ta, ta. Est-ce que vous. Mon vieux Jean-Pierre. Je vous aime, hein, vous savez, hein, je vous aime beaucoup. Hein. Génial. Mais. Il y avait Dubs qui arrivait à faire des pirouettes avec et un je trouve ça génial de se faire une autochronique. D'avoir envie de kiffer la vie. J'avais et le livre de génial, l'émission, quoi. J'ai voulu en profiter. Et je trouve ça génial. Et par contre, est-ce que vous étiez rendu compte que vous étiez Keblo sur M6 avant ça, par contre, je m'en étais pas rendu compte à ce point-là. Mais d'un côté, il n'y avait pas de très bonnes séries sur les autres chaînes françaises. Je non, n'avais non, pas non, la mais TN... C'est vrai qu'M6, il cartonnait quand même pas voilà. mal. Voilà, je n'avais pas... il n'y avait pas à l'époque la TNT, Netflix, tout ça. Non, à non, l'époque, c'est vrai. La TNT. Le vieux, même quoi. Pas la télé à l'époque. C'était alors les maintenant, feuilletons radio. Richie, dernière épreuve qui va. Voilà. Qui ouais. va être très importante, qui va être charnière. Je vais vous demander, Richie. Est-ce que je dois garder mon casque ? Oui, non, vous pouvez l'enlever. Je vais vous demander de faire preuve d'une assez grande concentration. D'accord. Et de penser à soit une anecdote triste, soit de raconter une histoire triste. Vous êtes d'accord avec ça ? D'accord. Faut pas que ça soit quelque chose qui dure très longtemps. Je pense qu'en 2-3 minutes, ça peut être bouclé. Oh, bah ça va, vous êtes d'accord avec ça ? On a un moyen de raconter. Ouais, il y a un moyen de raconter quelque chose. Voilà. De triste, ouais. Par contre, évidemment, vous allez le faire avec un obstacle, cette anecdote. D'accord. Vous êtes d'accord avec ça ? Ouais, bien sûr. Très bien. Alors là, je vois Jean-Bierre qui ouvre un tiroir. Cet obstacle, ça va être ça. Est-ce que vous pouvez prendre cet objet ? D'accord, un objet. Cet objet, Richie. Ce que vous pouvez, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, à chaque fois, je ferai un claquement de doigts. D'accord. Comme ça, vous utiliserez cet objet. D'accord. Quand je lui dis, on peut pas vraiment décrire cet objet. Si, je pense qu'on peut l'écrire. C'est un petit flacon. Un petit flacon, très bien. Vous pouvez juste donner le titre du flacon ? The Jungle Juice. Très bien, parfait. Est-ce que vous êtes prêt, Jean-Bierre ? Oui, bah oui, je suis prêt. Très bien. 3, 4. Allez-y. Alors, donc, c'est un ami qui m'a raconté cette histoire. Très bien. C'est assez triste parce qu'en fait, c'était quelqu'un qui avait des amis au collège. Oui. Et ses amis. Oui. Il l'avait invité. Il l'avait invité. Il l'avait invité à sortir dans un bal. Non, pas dans un bal, aller faire du camping. Très bien, très bien. Et lui avait dit viens, on va faire du camping et tout. D'accord. Et le mec, il avait pas de potes. Il était comme un ouf. Il se dit trop bien, pour une fois, j'ai des potes, ils m'invitent au camping et tout, quoi. C'est génial. Petite interlude, utilisation de l'objet en direct. Donc, le gars, on va l'appeler Pasqualino. Par exemple. Donc Pasqualino, il est trop content que ses copains l'aient amené au camping et tout. Et il dit à son père, daddy, enfin padre, padre quand on dit là-bas. Padre, est-ce que tu peux nous emmener Est-ce que tu peux nous emmener au camping parce que j'ai rendez-vous avec mes copains. Très bien. Donc ils vont en voiture avec son père et tout, ils sont tranquilles dans la bagnole. Et là, forcément, il arrive à l'endroit qu'ils décidaient avec ses amis. Oui. Et en fait, ils n'étaient pas venus. Oh. Et s'étaient moqués de lui. C'est et son vrai. Père, il l'avait emmené. Et son père était trop triste pour son fils. Et lui était trop gêné par rapport à son père aussi. Quoi. Fin de l'histoire, fin d'anecdote. Mais c'est triste quand même. Très bien. Oui, non, je suis d'accord. C'est et le gars, il m'avait raconté ça. Et c'est horrible parce que. Parce que là, du coup, ce que vous venez de raconter, c'est une histoire vraie. Ouais. Donc, il était convaincu d'avoir plein d'amis et tout. Et il avait invité au camping. Il était venu avec tout, sa hache, son tapis de sol et tout. D'accord. Son père, il l'amène et personne, quoi. Donc, personne répond au téléphone. Et il dit, papa, je crois que c'était pas vrai, quoi. C'est horrible. Hein. Vous m'avez dit une histoire triste. Vous m'avez dit une histoire triste, Jean-Pierre. Oui, mais c'est très bien. À base de Jungle Juice. Alors, je vais faire quelque chose d'inédit dans le milieu de la radio. C'est que je vais intervertir les chroniques. Et je vais demander à Jean-Pierre de récupérer la petite fiole et de me raconter une histoire drôle. S'il vous plaît, avec un accent allemand. Et il y a quelques conditions dans l'histoire drôle. C'est qu'il faut qu'elle se passe dans une boulangerie. Il faut qu'il y ait un moment où Laurent Ruquier intervienne. Allez-y, Jean-Bierre, je vais claquer des doigts. Et vous allez prendre la première bouffée de votre petit breuvage miracle. Alors, Jean-Bierre prend sa bouffée. C'est parti, vous vous rappelez une histoire avec un accent allemand dans une boulangerie avec Laurent Ruquier qui intervient. Allez-y, Jean-Bierre. Bonjour. J'aimerais. Non, déjà, non. Pardon, Jean-Bierre, mais non, pas du tout. Non, non mais pas du tout. Bonjour, non. Bonjour. Mais non, mais Jean-Bierre, je ne sais jamais su faire. Alors, Jean-Bierre, non, écoutez, là je sens que la blague, on est complètement en train de capoter complètement. Jean-Bierre, racontez-moi une histoire triste, vécue. Très bien, c'était... Parce que là, au niveau de l'humour, on n'est pas là, donc... Non, clairement, ça serait coupé au montage. Allez-y, Jean-Bierre. Bon, Jean-Bierre ne tient pas du tout la fiole, là, visiblement. Jean-Bierre, un peu d'histoire. Alors, une histoire triste, très bien. C'est l'histoire d'un... C'est l'histoire, en fait, une histoire très triste que j'étais, mm-hmm. que j'ai vécue, en tout cas, quand j'étais enfant. Oh. C'était vraiment... Donc, il y a une quarantaine vraiment... d'années, quoi. Exactement. J'avais pas du tout prévu ce retour de mon situation, ouais. Complètement con. C'est, en fait, j'ai été au cinéma avec ma tante, avec ma cousine. La tata. Voilà. Et on a été voir Le Roi Lion. Premier. T'as été voir quoi ? Le Roi Lion. Ouais, d'accord, pour l'instant c'est plutôt tout à fait normal. Voilà, c'est ça. Sauf que... Donc pour l'instant vous imaginez Jean-Bierre, il y a une quarantaine d'années, voir Le Roi Lion, donc ça devait être pas vraiment le Disney, ça devait être une sorte de truc équivalent. Ça devait être le Roi Chat ou le Roi Loutre. Le roi Félin. Le Prince Félin. C'était la sous-marque. C'était le Disney de Lidl. C'était au cinéma... Avec ma cousine, ma tante, moi j'avais 7 ans et c'était très triste parce que c'était le moment justement Mufasa se fait piétiner. se fait piétiner. Mufasa se fait piétiner par le troupeau de Zébu. Excellente idée de chronique, ceci dit. Hein, très sympa. Par le troupeau de Zébu. Ouais. Et là, je me suis tourné vers ma cousine qui était pour moi un modèle. Je l'ai vu pleurer. Et là, vraiment, hein, tout un pan de mon enfance s'est effondré. Merci, bravo Richie aussi, parce que vous avez extrêmement bien joué le jeu. Et je pense que maintenant, on peut conclure. On peut conclure cette émission, je crois qu'elle est suffisamment longue. Elle est suffisamment longue, elle est suffisamment belle. Elle est très belle, je pense. Je voulais faire deux petites parenthèses avant de terminer. Vous écoute. La première, c'est que j'aimerais bien... Alors, peut-être qu'il est un petit peu trop tôt pour lancer ce genre d'initiative dans Free de la Station, mais je me dis que... Autant la lancer tôt et offrir un rappel à toutes les émissions si ça ne marche pas avec celle-ci, c'est qu'en fait, mon idée, c'est que j'aimerais bien qu'on ait des témoignages d'auditeurs. C'est-à-dire que quelqu'un qui va écouter cette émission peut dire, peut nous envoyer sur l'adresse mail qui s'appelle jeanbierreberno@gmail.com, JEANBIE2REBERNAUT. D'accord. Donc ça vous concerne directement quoi. Non, pas du tout. Parce c'est qu'en pas fait... fruit de la station.com, c'est même pas mais Richie et Jean-Bierre. Parce que vous savez bien... C'est Jean-Bierre Verneau. Non mais j'ai compris que j'étais pas le bienvenu ici, Jean-Bierre. J'ai envie de splitter tout de suite. Mais non, pas du tout, c'est pas ça. C'est juste que cette adresse mail était déjà créée avant l'émission et je l'ai gardée, j'en ai pas créé une nouvelle. Et autrement, vous nous envoyez ça sur le Twitter Fruit de la Station, vu que Richie Booz est un sale paranoïaque de merde. Vous ça nous fait envoyez, mal, ça fait mal. Soit un fichier MP3 ou soit même un texte, etc. Et on peut vous assurer que tout ce qui sera envoyé sera en tout cas diffusé ou lu pendant cette émission. Et qu'après, Richie Booz et moi-même débrieferons sur justement ce commentaire, ce témoignage que nous avons eu. C'est quelque chose de totalement libre. J'imagine. C'est-à-dire que si quelqu'un a envie de raconter un poème, si quelqu'un a envie... De chanter, de si quelqu'un chier dans son micro. De chier dans son micro, si quelqu'un a envie de nous chier sur la gueule, allez-y gaiement. Mais complètement, ça passera, même si c'est des critiques négatives, etc., rien ne sera censuré. Voilà. Donc ça m'étonnerait qu'il y ait des critiques négatives quand même. C'est quand même de bonne qualité. Vu la qualité de l'émission qu'on vient de faire, ça serait vraiment surprenant. Voilà. Je pense qu'il y a beaucoup d'émissions qui soient terminées au Poppers, à part vivement dimanche. Sinon, on sait très bien que le chien Michel Drucker sniffait forcément beaucoup. Bah, il l'a appelé Poppers. Son chien s'appelle Poppers. D'ailleurs, le dernier court-métrage des Pixar, j'ai pas trouvé le nom, mais c'était ça. C'était Poppers. Voilà. Et la deuxième petite parenthèse que je voulais faire avant de terminer cette émission, c'est que je voulais dire à Richie Booz et moi-même, du coup, et à l'ensemble de nos éditeurs, qu'on était très heureux de faire cette émission. Enfin, après, ça, c'est un point de vue un parti pris, j'ai envie de dire. Mais du coup, moi, je voulais dire un petit mot pour ça. Je voulais dire qu'on est très content de faire ça. Que moi, c'était une joie. Qu'en sortant du travail ce soir, j'étais vraiment très heureux de me dire là, je vais faire cette émission et ça m'a fait extrêmement plaisir. Et la dernière fois que j'ai fait l'émission et je l'ai réécouté ensuite, j'ai un peu. On va pas dire comme une drogue, mais j'ai vraiment trouvé ça très très cool. Et là, je suis très content aussi. Et voilà. Bien, c'est réciproque, Jean-Bierre. Je suis heureux de la faire et vivement la prochaine, comme on dit. Exactement, vivement la prochaine. Big up, Fruit de la Station.